Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et mangas. HongKongStyle. Bonjour et bienvenue dans ce 16e numéro de Flashpawn consacré au mois de novembre. L'équipe habituelle, donc avec Vinch. Salut à tous. Ah, t'as pas fait comme d'habitude. Spectra. Bonjour à tous. Et Cédric. Salut à tous. On va la recrue toute fraîche. Vous allez bien les gars? Ça va. Ouais. Ça va, des super lectures ce mois-ci, donc super. Ça va bien, ça va bien. C'est ironique, super lecture ou pas? Bah oui. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, on va commencer. Bah ouais, avant tout, je voulais vous dire, c'est le week-end du Téléthon. Donc, n'hésitez pas à faire le 36-37 pour soutenir Maître Gims dans son combat. C'est le malin. Donc, hein? Je sais pas qui c'est Maître Gims. Ouais, mais t'inquiète. Je connais pas, tant mieux pour toi. Alors, on va commencer donc avec toi, Spectra, donc avec le fameux nouvel extrait donc pour Dawn of Justice, et également l'espèce de sneak peek qui a été publié quelques jours avant. Donc, Spectra, c'est à toi. Oui, c'est ça, donc si peu de choses. Donc, comme tu l'as dit, on a eu à l'occasion de Gotham un petit sneak peek du deuxième trailer de Batman v Superman Dawn of Justice, et suivi par la bande-annonce qui est arrivée mercredi ou jeudi, je ne sais plus exactement. Donc, voilà, on en apprend beaucoup plus sur le film, sur le vilain principal et un peu sur la structure, comment tout ça va se goupiller. Et le plus important, est-ce que ça t'a plu? Batman, Superman, tout ça, enfin voilà, qui se foutent sur la gueule et tout. Oui, ça m'a plu. Après, je trouvais que ça dévoilait quand même pas mal de choses, même si on se doutait un peu de ce qui allait se passer. Et puis j'ai trouvé ça un peu moins prenant que le précédent trailer dans le montage, mais bon, je suis toujours bien chaud pour le voir. Ça m'a absolument pas refroidi et ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, Vinch. Ouais, moi j'ai vu aussi, enfin ouais, c'était bien, j'ai juste été dégoûté parce que je m'attendais pas trop aux méchants en fait, parce que je lisais rien du tout sur le film, donc quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été un peu spoil, mais bon, à part ça, ouais, ça donne envie. Ça dévoile un peu la structure en fait, ils vont se taper l'un sur l'autre, et puis à la fin, il y a le boss de fin, et ils vont se mettre tous les deux contre l'autre. Tous les trois. Ouais, voilà, je m'attendais pas trop à voir Booster débarquer, et puis je trouve qu'ils ont deux, trois éléments clés, qu'ils ont montré genre Wonder Woman et tout, ils auraient pu cacher deux, trois trucs, mais bon... Il y aura peut-être d'autres surprises, mais bon, ouais, j'espère quand même qu'il y aura d'autres surprises. Du coup, si c'est comme ça, ça amène un schéma assez classique pour le film, quoi. Ouais. Un truc qu'on a lu et relu un paquet de fois, mais après, ouais, faudra voir sur pièce. Toi, Cédric? Mais j'ai l'impression qu'on a le même genre de discussion qu'on avait, qu'il y avait à l'époque avant la sortie d'Avengers. On avait l'impression, après la sortie de la bande-annonce, qu'on avait déjà vu le film aussi, et au final il y avait quand même pas mal de surprises. J'espère que ce sera la même chose. Ouais. Je parle dans l'histoire, moi je suis pas un grand fan du film Avengers, hein, mais j'espère qu'on n'a pas tout vu dans la bande-annonce. C'est vrai que ça fait un peu peur, et je suis un peu comme Vinch, j'avais rien lu, donc je me suis fait bien spoiler le méchant. Ouais, pareil. Et par contre, le plan final avec les trois héros, et j'espère qu'ils vont le refaire, parce qu'il est sacrément moche, hein. Le fond vert, on le voit. Ouais. J'ai pas tilté. Ouais. Mais bon, c'est un détail. C'est souvent dans les bandes annonces que les effets spéciaux sont pas encore finalisés. Ouais. Mais bon, c'est, ouais, c'est, je suis aussi toujours autant attiré par le film. J'ai hâte que ça sorte. Et là, il doit y avoir bientôt, ils ont annoncé un trailer, là, pour Suicide Squad encore, je crois. Ouais, exactement. Ça devrait pas tarder, ouais. Ouais. Bon, bah, c'est cool, alors. Sort quand le film Suicide Squad? Il devrait plus tarder, parce qu'on a déjà eu un paquet de trailers. Au mois d'août, il sort celui-là, je crois. Ouais, il sort dans longtemps, celui-là. Ok, donc tout le monde est globalement bien emballé par ce trailer. On poursuit, Spectra. Et toi, ton avis sur le trailer, du coup? Ah, je l'ai pas dit? Ah ouais, moi j'ai kiffé, hein. Bah moi après j'ai vu un paquet d'analyses tiré par les cheveux, machin. Ça m'a fait bien rigoler, notamment le dans le la vidéo là qui dure pas longtemps là, la première qu'ils ont mis là, quand Clark il enlève le masque à Bruce là. Moi j'ai pas tilté, mais après j'ai vu il y a des gars qui ont commenté en disant que quand il avait le masque, il a du maquillage autour des yeux. Et quand on lui enlève, Ouais, il a plus de ça. maquillage, tu vois. C'est un faux raccord. C'est pas un faux raccord, c'est t'es dans un truc, t'es dans un truc où les mecs ils volent et compagnie, le maquillage ça Ouais, fait mais partie du masque. Tu peux pas lui enlever le masque, lui laisser le maquillage, c'est pas un film de drag queen quoi, tu vois. ouais, mais techniquement, c'est un peu un faux raccord, mais c'est vrai que vu comme ça, si tu vois la gueule de Bruce Wayne avec son maquillage au-dessus des yeux, Ah ouais? il Bah je paraîtrait sais pas pas, trop tiens. crédible. Les mecs ils volent, ils font n'importe quoi et on vient Eh, mais c'est expliqué, c'est justifié pourquoi il vole. Il vient d'une autre planète, je pense que t'as suivi l'histoire. Et en même temps, pourquoi est-ce que Clark Kent a besoin d'enlever le masque de Bruce Wayne pour voir que c'est Bruce Wayne? Ah Vu ouais, qu'il peut voir à on va travers. partir loin. Eh oui. Après, il y en a qui commencent à être choqués parce que il avait une mitraillette dans le trailer. À la fin du trailer. Vous avez capté ou pas? Ouais. Bon bah voilà, donc ça part sur des théories machin alors que c'est une image quoi. Enfin bref. Donc moi avec mon âme d'enfant anti-élitiste, j'ai kiffé en fait. Voilà, j'ai tout kiffé. Le montage qui a dérangé tant de monde, je m'en bats les couilles. Moi c'est passé nickel. Voilà. Peut-être le look de Doomsday, ça fait un peu Doomsday du ghetto. Mais après il peut toujours évoluer et être plus classe après quoi. On a vu que 10 secondes de sa gueule, donc ça peut encore évoluer. Non, moi j'étais franchement j'étais sur le cul quoi. J'ai trouvé ça génial. Donc j'attends la suite avec impatience. Génial, quoi. Ouais, c'était trop top. Voilou. Bon ben on va passer à la suite. Donc là on va parler plus de Wonder Woman Spectra avec le logo dévoilé, même s'il n'y Ouais, a pas bah grand-chose à en voilà. dire. Ouais, c'est ça, le logo officiel a été dévoilé. Bon, rien de particulier à rajouter dessus, hein. Ouais, tout à fait. La grosse nouvelle surtout concernant Wonder Woman, c'est que le tournage a enfin commencé, qu'on a eu pas mal de photos présentées et aussi leakées, donc et le casting aussi qui a été dévoilé. Donc côté casting, on a donc Chris Pine, comme on s'en doutait, en Steve Trevor, Saïd Tagmaoui, Ah, j'étais la haine. un peu Putain, je me surpris, ouais, rappelle, mais je sais pas comment il a fait, lui. Ouais. il a une sacrée carrière aux États-Unis, lui. Hein. Ah ouais? Ah ouais, il a fait plein de films. Il y a longtemps un film avec Bruce Willis où il jouait le méchant du film. Couvre-feu, il s'appelait le film. Mais D'accord. non, il continue à il fait souvent des films. Il joue l'arabe de service à Hollywood. Ouais, je crois que c'est ça en fait. D'accord, il joue le quand terroriste. il a besoin d'un, c'est lui, quoi. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Et pourquoi tu m'as mis sur le conducteur défenseur de Roth et clasheur de B2O? Bah attends, la grande période du clash entre Booba et Roth, Saïd Tegmaoui avait pris position pour Roth et tout, ça avait clashé violent. Hein. Ah bah je te Ah, parle de ses derniers antécédents, j'ai pas hein. Closer, J'avais pas moi, plus je savais pas ça, d'actualité tu pour lui. vois. Donc J'avais. Ouais. voilà, je vais jusqu'au bout de l'info, mec, c'est ça. Robin Wright, qu'on a connu dans Ça, c'est Forrest top. Gump, House of Cards. C'est la femme de. Comment il s'appelle? Frank. Underwood. Underwood. C'est ça. Elle est trop classe, quoi. Elle joue bien la meuf manipulatrice, machiavélique. Elle, Elle va sûrement franchement, ouais. jouer le méchante, oui. Ouais. On a Danny Huston qui jouait dans le mémorable Wolverine Origins. David Twellis qui jouait dans Harry Potter. Ewen Bremner qui jouait dans Trainspotting. Elena Anaya qui jouait dans La Pielle qui habite où. Un film un peu dégueulasse, mais sympa. Et Lucy Davis qui a joué dans Shaun of the Dead et The Office. T'as une sacrée culture cinéma, hein, parce que moi, ces mecs-là, je les connais pas. Ah, Ah la bah Pielle qui si, habite où, c'était un bon film, ouais. C'était un Almodovar. Ouais, il était bien, franchement. Ah bah, tu vois. Et Ewen Bremner, enfin, je sais pas si, faut que tu vois sa gueule, mais tu le repères vite, il a fait pas mal de films quand même. Peut-être un faciès un peu particulier, cet acteur. J'irai voir ça. Hein. Mais il y a beaucoup d'hommes dans le casting, je trouve, pour un film Wonder Woman. C'est étonnant, je m'attendais à ce qu'il y ait un casting presque essentiellement féminin. Et donc ça laisse peut-être présager qu'on verra pas beaucoup la partie Amazon, mais plus la partie monde normal. Ouais, aucune Bon, là idée. c'est juste des supputations, hein. De toute façon, pour l'instant, en tout cas, l'époque, ça a l'air de se situer pendant la Première Guerre mondiale, hein. Tournage essentiellement européen. Ouais. Ah, ils vont tourner en France, je crois aussi, non? Ouais. Il y a un passage en France qui est prévu. Ok, ben on va poursuivre avec toi, donc Cédric. Ouais, bon, on reste sur Wonder Woman, mais sur un film qu'on ne verra jamais, le film Justice League par George Miller, dont on a révélé le costume que Wonder Woman aurait dû porter, qui était porté d'ailleurs par une actrice qu'on a vue dans Mad Max, Megan Gale. Le costume est assez différent de celui qu'on aura dans Wonder Woman, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux en fait. Ouais. Mais... Les deux sont différents, mais ils ont chacun du style. Ouais. Les deux rendent bien. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre là-dessus sur cette nuit-là, je pense. De toute façon, on ne verra jamais le film. C'est dommage. George Miller sur Wonder Woman, sur la Justice League, ça aurait vraiment été super. Ouais, ouais c'est clair. Et à moins que Vince était toujours vivant. Ouais, bien sûr, pourquoi? Non, je sais pas. T'as un avis sur le costume ou... Non, pas du tout. J'ai vu, mais sans plus, jamais pas trop. J'ai un avis, moi, par contre, sur l'actrice. C'est que la Megan Gale, elle a vraiment été très, très bien en Wonder Woman. Ouais. Ah, là, j'avoue aussi, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Vraiment très joli. Ok. On continue avec une news sur le film Aquaman. Donc un troisième scénariste a été embauché, la personne de David Leslie Johnson, qui a notamment écrit, va commis plutôt le scénario de La Colère des Titans. Il a écrit aussi deux scénarios pour Walking Dead, mais à part ça, il n'a pas fait grand-chose dans sa carrière. Donc. Après, dans la news, c'est un troisième scénariste, mais je ne sais pas si c'est un troisième scénariste qui s'ajoute aux deux autres ou qui va écrire un troisième scénario. Je ne sais pas. Moi, ouais, ça doit être en plus, je pense. Ouais, c'est un qui s'ajoute aux deux autres. Hein. D'accord. D'accord, les deux autres n'ont pas été virés. Hein. Non, je crois pas. D'accord. Et enfin, la dernière news cinéma, Ewan McGregor et Colin Farrell seraient en lice pour interpréter Constantine dans le futur film, on l'espère, Justice League Dark. Ouais. Alors, si je peux donner mon avis, j'espère que ce sera Ewan McGregor et pas Colin Farrell. Oh, j'aurais dit Colin Farrell en blond, on l'a vu dans Hannibal, et c'était vraiment vilain. Ouais, mais il peut ne pas être blond, tu sais. C'est pas grave. Ouais. J'aime trop bien dans Trou Détective. Alors, j'ai du mal à y croire parce que vu à l'époque où ils avaient casté l'acteur pour jouer dans la série Constantine, c'était un brun, justement, qu'ils ont teint en blond et ça avait fait un scandale parce qu'il n'était pas naturellement blond. Donc, j'imagine même pas s'ils embauchent Colin Farrell, ce que ouais, ça. Ouais, mais je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre, hein. Parce que, Flash, ils ont pris Barry, Grant Gustin, il est pas blond, je pense c'est pas vrai. Que, c'est vrai, t'as raison. Je pense que c'est dans... Ouais, dans le film, c'est pire encore, vu qu'il a les cheveux noirs, carrément, le gars qui va interpréter Flash. Ouais, voilà, c'est vrai que l'acteur qui joue Aquaman, il est... Pareil. Aussi, ouais. Moi aussi, j'aurais plus dit Colin Farrell, parce que Ewan McGregor, je le vois pas, je trouve pas qu'il a la tête de Constantine. Mais moi, sans parler de la tête, en fait, juste l'acteur, Ewan McGregor, ça fait longtemps que j'ai rien vu avec lui, mais Colin Farrell, en mode dépressif, alcoolique, un vrai, peu taré, dans True Detective saison 2, il se gaffe quand même. Même dans sa vie, hein. Maintenant, ça vient. Ouais, c'est vrai que je pense que lui, c'est quotidien pour lui. Mais justement, ça serait peut-être un peu trop attendu, Colin Farrell. Du coup, on sait qu'il maîtrise bien ce genre de personnage. Et pour le coup, moi, j'aimerais bien voir Evan McGregor, qui est quand même un putain d'acteur et qui, je pense, pourrait largement faire le rôle de Constantine. C'est vrai, pourquoi se faciliter la vie quand on a ce qu'il faut et pourquoi ne pas aller plutôt s'emmerder, aller chercher quelqu'un d'autre, hein. C'est vrai. Ah oui, c'est ça. Ah, moi, je vote Colin Farrell, là, direct. Tim McGregor. Ouais, pareil, McGregor ouais, aussi. Le dernier film que j'ai vu avec lui, c'est Star Wars. Il a fait des films entre-temps Ouais, il a fait un film avec Scarlett Johansson qui s'appelait The Island. Le chef du Pentagone. Il avait fait un Polanski aussi, oui, The Ghostwriter. Ouais. Okay. Bah, écoute, il risque de refaire Star Wars. Peut-être des Star Wars aussi en plus. Il lui propose un chèque chez Disney. D'accord. Enfin, moi, c'est pas un acteur que j'apprécie plus que ça, en fait. Puis il va faire Trainspotting 2 aussi, qui devrait sortir l'an prochain, je crois. Aussi, ouais. Ok, bon, ben on va passer aux news séries télé maintenant, si vous avez plus rien à rajouter. Au revoir, les gars. Ça va aller vite, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, ben écoute, on t'écoute, Vince, tu commences par du Arrow. Enfin, limite, il n'y a presque rien, quoi. Vas-y, on avec du très très lourd, du super lourd, des annonces casting de gens qu'on ne connaît pas du tout. Donc Tom Amandes sera le Calculator, qui est un super vilain, et donc son vrai nom est Noah Cutler, et je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne connais pas du tout ce vilain-là, je ne l'ai jamais vu dans les comics, je ne sais pas pour les autres. Calculator, après j'ai peut-être dit de la merde, mais il est pas dans Identity Crisis à un moment donné, non? C'est ce qui me semblait, mais je pense même pas, parce que ça me fait genre vilain, c'est pas le mec qu'on voit même pas et qui donne des infos au super vilain des tuyaux. Je crois que c'est ça, voilà, c'est l'équivalent d'Oracle pour les vilains, il me semble, dans ce comics. Ah, ok, ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est possible. Mais si c'est pas lui, je vois vraiment pas, parce que moi, je le voyais comme super vilain, mais ouais. Donc il va jouer dans Arrow, on ne sait pas très bien quel sera son rôle et qu'est-ce qu'il va venir faire. Mais à mon avis, ce sera encore un vilain pour Ouais, un sûrement, ouais. épisode de la semaine. Ensuite, pareil, côté Flash, on a Marco Grazini qui jouera Tarpit, qui est le goudron vivant. Donc c'est un gars qui, si je dis pas de conneries, qui était inventé par Geoff Johns quand c'était Wally qui était Flash. Ouais, j'ai vu, c'est ça. Et donc en fait c'est un gars qui peut transférer sa conscience et il s'est retrouvé bloqué dans un tas de goudron et donc voilà, c'est un goudron vivant. Là, je suis en train de regarder sa tête au tarpit, on dirait le Doomsday du futur film Ouais, limite, Batman ouais. v Superman. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est encore une fois un vilain sûrement hebdomadaire. Ensuite on passe à Legend of Tomorrow. Donc on a eu Un poster. un Un poster, ouais, un poster. beau poster avec toute l'équipe au grand complet. Donc ça s'annonce, la date a été fixée au 21 janvier, je crois, en C'est plus. ça, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est tout pour Il c'est tout en fait pour Legend of Tomorrow. y a un trailer qui est Ouais, sorti aujourd'hui ou un hier, mais moi trailer, c'est vrai, c'est aujourd'hui? je regarde plus là. Ouais, tout à l'heure j'ai vu ça. Ou hier. Ah, j'ai même pas fait attention encore. Ouais, mais je regarde plus, j'arrête moi les trailers et tout, c'est bon. Toute façon, là c'est pour bientôt, bah, Ouais. c'est dans un mois et demi. Ensuite, on passe à Gotham avec BD Wong que nous avions que beaucoup connaissent dans New York Unité Spéciale et qui est récemment joué dans Jurassic World et qui avait déjà joué genre dans Jurassic Park premier du nom et ce sera le Docteur Strange. C'est bizarre ça, non? Il y a un Docteur Strange chez DC? Ouais, le Docteur Ouais. Strange c'est le gars Ah oui, Hugo qui a découvert Strange. l'identité Oui, de Batman, oui. pardon. Ah, parce que dans Hugo Doctor Strange, ça Strange. m'a fait penser. Ouais, Hugo Strange, oui, d'accord. Ouais. Là, je te suis, là. Ouais. C'est le docteur Hugo Strange. C'est vrai qu'il écrit comme ça, on pourrait croire, mais Ah, non, lui, il bah n'a pas de pouvoir mystique, c'est juste un psychiatre psychopathe. ouais. Et ensuite, on aura Technif qui sera dans Gotham et qui sera joué par Tommy Flanagan. Et donc, The Knife. The Knife. Ah là là, ouais, The je me demandais Knife. ce que tu disais. The Knife, si tu Knife. veux. Et donc, lui, il vient de Sons of Anarchy. Ouais, lui, il était trop cool dans la série. C'est dommage C'était qu'il a fait. lequel? Hein? C'était lequel? C'était l'Irlandais avec les cicatrices sur le Ah visage. oui, super. Le brun, là. Ouais. Ensuite, on continue avec la série du siècle, Supergirl. Donc, une saison entière a été commandée pour cette super série. Donc, elle aura 22, 23 épisodes, je crois. Ouais, ça Chose doit comme être ça. ça. Ouais. Ensuite, nous avons côté casting, nous avons Emma Caulfield qui jouera Cameron Chase, un personnage qui vient de l'univers de Batman que je ne connais pas du tout. Ensuite, nous aurons une sénatrice anti-alien qui sera interprétée par Tawny Cypress, qui vient de Heroes. Donc, l'actrice, elle me dit rien. J'ai regardé Heroes 2 saisons, mais elle me dit pas grand-chose. Et le nom du personnage dans la série sera Miranda Crane. Je sais pas si l'actrice vous dit quelque chose. Non, moi je sais pas, je connais pas ni les personnages ni les acteurs, non, ça me dit rien. Et alors on aura Charles Halford qui jouera un méchant qui vient de l'espace, il vient de la planète Saturne et ce sera un vilain. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, on a une info comme quoi il chercherait un jeune Superman pour la série, donc ça on suppose que c'est pour des flashbacks. Ouais. Donc Superman n'est pas censé être jeune dans cette époque-là. Et alors, dans le divers, on a eu une pétition qui a encore vu le jour pour sauver Constantine d'après son apparition très remarquée dans Arrow, qui avait plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Ouais, y a eu, ça a bien marché, ouais. Ouais. L'épisode c'est pas Ouais. génial, mais apparemment Non, ça c'était pas marche. génial, mais c'était un peu fan série, c'était sympa, mais donc voilà, c'est tout pour les séries TV. On a eu ce mois-ci, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, c'était calme, ouais. Ouais, bah du coup même en News Comics VF, y a rien non plus, il y a rien qui a été Non. annoncé par Urban, Non, donc pas grand-chose. Les news devraient arriver ben, courant de ce mois-ci, pour les voilà. prochains mois. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc Urban est fort ben calme ces temps-ci. ouais. Ouais. Bah du coup on va passer directement donc aux News Comics VO, là il y a eu plus de trucs déjà. Donc on a appris que Frank Miller il allait faire compter sortir Dark Knight 4, alors que Ouais. le 3 sort à peine. Donc là cette fois-ci c'est lui qui devrait l'écrire de A à Z, apparemment. De toute façon, Est-ce on qu'il va va le pas. dessiner? Ça, je sais pas. Il est mal en point, lui, non? S'il meurt pas entre-temps. Non, il va mieux là. Hein, parce que ton autographe, je crois qu'il va vite valoir de l'or, Vinch. Hein. J'en ai deux. T'en as deux. Hein. J'avais peur qu'il surgisse pas au voyage retour, quoi. J'ai vu des photos. Elle Ah avait ouais, pas il l'air en était. forme à Paris, hein. Non, il était pas en forme du tout. Ouais, il est. Ouais. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps, là, il a l'air mieux, alors je sais pas, il a peut-être Ça devait être le voyage, il avait fatigué. Ouais. Ah, c'est possible. Ensuite, la bonne news, on va dire, la news la plus excitante, c'est que donc Geoff Johns, il a annoncé qu'il était en train de bosser sur son fameux arc teasé il y a longtemps, Rise of the Seven Seas. Et donc, ben, il bossera avec l'équipe de base, donc avec Ivan Reis et Joe Prado. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, on sait pas si ça sortira dans Justice League ou dans Aquaman. Peut-être une autre série, hein. C'est pas impossible. Oui. Bah ouais, hormis celle-là, je vois pas dans quoi. Non, mais qui sort une mini-série directement, Rise of the Seven Seas. Ouais, ou aussi, ouais, il pourrait faire ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, suite à ça, bah, on a les nouvelles équipes créatives, donc sur trois titres, donc notamment sur Aquaman, New Suicide Squad et Teen Titans. Donc ça bouge pas mal, donc sur New Suicide Squad, donc ce sera écrit par Tim Seeley, donc qui s'occupe de Grayson et Eternal, et qui s'est occupé de Batman Eternal. Ce sera dessiné par Juan Ferreira, qui avait bossé sur Gotham by Midnight, et donc également Eternal. Donc c'est une série nouvelle, ça. Ah, ça va être bon, ouais. Ouais, mais bon, ça reste Suicide Squad, donc ça va vous donner envie d'essayer quand même. À partir ouais. du numéro 17, vous allez tester. Ah, moi je pense que je vais reprendre de 17, ouais. J'avais essayé le New Suicide Squad, j'en avais lu deux, j'ai abandonné, c'était trop mauvais. Je pense que par Tim Seeley, ça peut être pas mal. Ouais. D'accord. Ensuite, on a... Bon, après, ça a été annoncé comme... Après, je sais pas s'ils vont durer longtemps, ou si ils vont faire un run, ou si c'est quelques épisodes, hein. C'est pas été encore, ça a pas été annoncé comme des artistes réguliers en fin de compte. J'avais compris que c'était juste pour un moment donné, hein. Ça allait pas être très long. Mais... Ah voilà, bon bah alors, donc on verra. Donc après Aquaman, donc à partir du 49, donc Dan Abnett au scénario, donc Ike sur Titan Hunt et sur Earth to Society, et Vicente Cifuentes qui a bossé sur Batman Superman Convergence Justice League les titres, lui sera au dessin. Donc ouais, pourquoi pas retester à ce moment-là. Ah bah de toute façon, ça sera forcément mieux que ce qu'on a en ce moment. <C'est scandale. rire> Et donc enfin le dernier Teen Titans et donc au 17 qui sera écrit par Greg Pak, donc qui fait Action Comics notamment, et dessiné par Noel Rodriguez qui était sur Red Hood and the Outlaws. Donc ça c'est pareil, je sais pas si vous allez essayer depuis le début Teen Titans, c'est pas extraordinaire. Alors, non, peut-être mais Greg Pak ça me vend pas du rêve. Action Comics et Batman Superman, c'est pas bon. Donc... Bah non, c'est bon, ça ira aussi, Greg Pak, je supporte pas, en fait. J'ai juste aimé le premier arc de Batman Superman, et puis c'est tout, quoi. Enfin, pareil. Et du coup, on va continuer, donc, sur ça, Cédric, avec une plutôt bonne nouvelle, voire... oui, pour toi, ouais. Brett Booth quitte Flash, il va commencer un nouveau projet, on sait pas trop encore quoi, chez DC, pour 5 épisodes, et après, a priori, il partira pour faire du Creator Owned. Et il y a Brit Giddingcool qui disait que en fait il allait être le nouveau dessinateur sur Aquaman, mais okay. il a dit Giddingcool, il a dit ça, mais ça peut être sûrement... C'est Cifuentes qui a annoncé dans la news avec Dan Abnett, alors c'est déjà Cifuentes, mais après, d'ailleurs sur le numéro de ce mois-ci. Peut-être qu'il le reprendra après, mais vu qu'il avait annoncé qu'il allait faire une mini en 5, c'est bizarre qu'il soit, ou peut-être qu'il va faire Aquaman quelque temps, quoi. Enfin bon, on sait pas trop, mais en tout cas, il bouge de Flash. Hein. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il part pas avec ses potos, là, Vanzetti et Vangenda. C'est clair. Donc, eux, ils sont toujours là sur les sollicitations, t'as un autre dessinateur, mais eux, ils sont toujours là, donc... Mais dans la news, tu mets qui va partir faire du Creator Owned, il part chez Image ou chez Vertigo? Non, apparemment, il ferait sa mini chez DC, et après, je crois que ce serait du Image, quoi. Ah, ok, reste parce pas... Parce que Vertigo, c'est pas vraiment du Creator Owned, en fait. Ça leur appartient pas, les trucs. Je crois que c'est un statut un peu bâtard. Ouais, mais c'est plus intéressant d'aller chez Image, je crois, que chez Vertigo, hein, pour faire du Creator Owned. Je crois qu'ils ont revu, hein, parce qu'avec la concurrence de Image, Vertigo, pour attirer des artistes, ils étaient obligés de revoir un peu leur politique. Hein, donc c'est plus la même politique qu'il y avait il y a quelques années. Je connais pas exactement les détails des contrats, hein, mais... Ah, j'ai pas suivi ça, tu vois. D'accord. Ah, je regarderai, ouais. Donc, bah, bref, je sais pas où il va aller, je pense plus chez Image, mais en tout cas, il sera plus sur Flash. Donc ouais, ensuite, Paul Dini et Eduardo Risso vont, eux, chez Vertigo pour faire du Batman, et sortir un graphic novel directement chez Vertigo, qui s'appellera Dark Knight, A True Batman, et ce sera donc un one-shot de 120 pages, façon, je pense, les Earth One, ouais. Et voilà, qui devrait sortir en juin 2016, donc ce sera... Paul Dini, c'est plutôt une bonne nouvelle, il est assez rare dans les comics en ce moment, donc... C'est plutôt chouette. Alors, ce sera un comics annoncé comme biographique, autobiographique. Il va s'inspirer d'une agression très violente qu'il a subie lui-même en 93. Ouais, ça, je demande à voir. Moi, je le lirai pas de toute façon. Je m'en fous de Batman, mais, ouais. Ah, moi, j'irai voir Paul Dini. Edouard Dorisso, en plus, c'est... C'est vrai qu'on a pas assez de Batman. Et ce serait dommage. On n'a pas assez de bons Batman. On en Ouais. parlera tout à l'heure. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Ok, bon ben on va passer aux reviews séries télé. Donc ben on va parler principalement de Supergirl. Je suis désolé mais je suis pas à jour en fait. J'ai maté le deuxième épisode et puis j'ai pas eu le temps de regarder le reste. Donc il y aura pas de Quoi? quoi. Pas envie. Tu ne regardes plus cette série génialissime? C'était cool. Mais non, j'ai pas eu le temps. Après j'ai acheté plein de jeux, j'ai maté plein de séries et du coup ça là, il faudrait que je me rattrape. Ouais. Je suis un peu à la bourre. T'as maté plein de séries, mais t'as pas voulu mater celle-là. C'est Ouais, peut-être mais un après t'as signe. des priorités dans la vie. Quand t'as Walking Dead, Homeland, Ah, c'est bien ce que après je dis. Supergirl, c'est pas en haut de ta liste. Ah, oui, c'est pareil, comme je Flash t'embête, je quand t'as plus t'embête. rien, quand t'as oublié le Non rouleau, quoi. mais c'est comme Flash, c'est pas en haut de ma liste quoi. À un moment donné, faut être sérieux quoi. C'est sympa et tout, mais voilà quand t'as un Ah, épisode de. Flash, tu commentes les épisodes le jour de leur sortie quand même. Hein. T'es quand même à Ouais, chaque fois c'est mon super boulot. motivé. Je suis payé pour ça. Mais en Ah, vrai, plus en voilà. argent, toi. Franchement, Ah, va falloir qu'on discute alors. Hein. si genre Flash a passé le dimanche, le lundi je materai pas Flash en premier, je materai Walking Dead. Enfin, c'est comme ça quoi. C'est clair. C'est la vie. Jessica Jones, tu vois, j'ai maté deux épisodes, je sais que je regarderai plus jamais de ma vie quoi. Trois épisodes j'ai maté. Ah, j'ai arrêté aux deux, moi, mais je vais continuer, moi. Ah, t'es un malade. Enfin bon, bref, on Là, en j'ai fait les reparlera plus treize. tard. Oh là là. Moi aussi. Oh là là. C'est des ouf. Bon, on va Toujours parler mieux de ce que qui nous Supergirl. intéresse. Hein? Toujours mieux que Supergirl, en tout cas. Oh là là là. Ouais, c'est On en vrai. reparlera à la fin de l'émission, ok? Les pseudo-élitistes là qui aiment bien Jessica Jones, etc. Bon alors on va parler donc du crossover Flash Arrow. Donc Vinge, par contre si tu peux être cool, tu me spoil pas trop parce que j'ai vu que le premier de Flash, j'ai pas vu celui d'Arrow encore. Donc à la fin, ils meurent tous. Ouais. Voilà. La série s'arrête enfin. Bonne nouvelle. Moi j'ai vu le premier hier. J'avais fait l'effort en fait de pas mater, d'attendre que les deux soient dispo pour mater les deux d'un coup. Et en fait j'en ai maté qu'un. J'ai trouvé ça pas extraordinaire en fait. On va raconter le pitch vite fait. Donc en fait donc il y a le fameux mec là de la future série Legend of Tomorrow là, Vandal Savage qui débarque et il s'en prend à Hawkgirl et donc qui vit à Central City et donc Barry décide d'aller la planquer à Star City parce que là elle est pas en sécurité et donc du coup ben les deux ils vont encore teamer ensemble. Et voili-voilou, et puis après il y a Hawkman qui va débarquer, et donc ils vont tous commencer à comprendre qui c'est vraiment Vandal Savage. En fait, ouais, je me suis fait un peu chier parce que encore une fois, ça apporte rien à la série, quoi. C'est comme toute la saison depuis le début, c'est ils construisent pour une autre série, quoi. Donc j'ai envie de dire hashtag, c'est pas ce que j'attends. Vince, ton avis? Ouais, bah, moi, je trouve ça, moi, j'ai un peu mieux apprécié que toi parce que c'est pas mal de fan service, t'as pas mal de clins d'œil dans les comics, etc. En référence aux comics, t'as des plus de personnages, ça développe l'univers, c'est sympa. Mais là, c'est vrai que l'histoire en soi n'est pas transcendante, surtout que, en fait, ce que t'as résumé, la première partie, bah, c'est la même chose dans la deuxième partie, sauf que, dans la deuxième partie, bah, ils se disent, pour finir, ils vont aller à Central City, ils vont retourner à Central City, et voilà, quoi, mais il se passe rien de Ouais. spécial à part qu'ils meurent tous à la fin, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est dommage, voilà. Il y avait Zoom, tout ça, et on part sur ça. Bon, après, faut bien lancer la série, mais. Voilà, je trouve que c'est dommage de partir sur ça, en fait. Ah ouais, mais c'est sympa, mais je trouve que Flash, justement, introduit un peu moins Legend of Tomorrow comparé à Arrow, qui Arrow, lui, est vraiment fort centré là-dessus, ben, beaucoup plus, quoi. Bah, Flash, ça quand même, Hawkgirl, ça fait quelques épisodes qu'elle est là. Ouais, mais c'est un personnage ultra secondaire, je veux dire, le truc Ouais. principal reste quand même Earth 2 Ben, on s'est quand même et Zoom, quoi. cogné du Firestorm, hein. On s'est cogné du Firestorm pour leur introduire. On a eu un épisode sur Cold qui n'est pas terrible. Ah ouais, si, ouais, mais ça reste dans l'univers de Flash, je veux dire, ça se Ouais. rattache à Flash, quoi, je veux dire, Oui, c'est c'est pas non sûr. plus, par exemple, ouais, c'est vrai sûr que le crossover maintenant, ben, n'apporte strictement rien du tout à la série, à part une intrigue avec Oliver, mais qui va sûrement être bien chiante, et qui va sûrement me gaver, ça, tu découvriras, Ouais, mais à la fin d'épisode, parce que dans toutes les, il y a qu'un seul bar en fait à Central Ouais, City, tout le monde passe par là quoi. voilà. Bon, ouais, donc, c'est super chiant. Ça va être bien pourri ça et sinon il y avait bah, sur Flash bah, ouais ça avance pas grand chose il y a juste le truc de Wells là avec Ouais. sa potion magique là je sais pas très bien ce que ça va apporter mais à mon avis bah, je préfère quand même Flash à Arrow parce que Arrow je sens bien les trucs les pleurs et tout ça va me gaver. Ouais, puis enfin je trouve que Flash ça reste quand même mieux construit et mieux foutu qu'Arrow là pour l'instant. Arrow j'ai l'impression de tout le temps voir le même épisode. Ça commence par une fourgonnette attaquée avec Arrow qui veut absolument protéger Tia, Tia qui dit mais non je peux me débrouiller toute seule, et puis maintenant on nous rajoute Sarah à l'intrigue dans le même genre de truc. Enfin c'est de la merde. Vivement que Legend of Tomorrow se soit lancé et qu'après ils repartent sur chacun leur intrigue respective, quoi. Ouais, mais si chaque année ils nous font ça, ça va Bah être un non. peu lourd, quoi. Ouais, mais je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, ouais, c'est divertissant, mais moi, le premier épisode que j'ai vu, ça m'a pas troué le cul, quoi. En tout cas, c'est assez, enfin, je ne regarde aucune de ces séries, mais ça a l'air sacrément ambitieux dans l'idée de faire un univers partagé, hein. C'est ce que les fans de comics réclament depuis longtemps. Ouais, même sur les concepts, la première saison de Flash avec le Reverse Flash, c'était quand même pas mal, quoi. Il y a toutes les facilités scénaristiques, le côté teen, tout ce que tu veux. Mais ouais, c'est quand même intéressant sur une série comme ça d'aller si loin. Faudrait que tu mates la première saison en fait. Faudrait que tu t'y remettes. Faut pas écouter ce que tu mates ça, mais tu te mets en condition, quoi, tu vois. Non, puis même l'épisode avec Grodd, hein, je l'ai trouvé quand même bien foutu, avec Earth 2, tout ça. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant. Flash, Ouais, bien sûr. Ouais, c'est non, vraiment franchement. au-dessus du lot des, enfin, par rapport à Arrow, en tout cas, et Supergirl, Ouais, il y a plus de c'est loin concepts. devant. Il y a plus de concepts dans Flash, on va dire. Il y a Hein. plus de concepts sexy que dans Arrow. La première saison, c'était le retour dans le temps. Là, la deuxième, c'est Earth 2. Si la troisième, j'en sais rien, c'est la Speed Force. Voilà, ça fait des trucs intéressants en fond, quoi. C'est vrai que dans Arrow, il n'y a pas tout ça. Lille, bon, ben voilà, Lille, c'est bon, ils l'ont fait en long, en large, en travers, pour la passer à autre chose, quoi. Et comme Ah, mais bon. Félicité, ils la font en Ouais, il se passe un truc magique dans l'épisode 2, c'est quand Felicity elle meurt, mais bon, voilà quoi. Ah, le mec. Ouais. Ah, mais autant, ouais. Parce qu'il y a un mec qui meurt à la fin de la saison dans Arrow, ils avaient dit dans le premier épisode d'Arrow, on le voit là. Il y avait un flash forward et on le voit, il est sur la tombe là et on sait pas qui c'est qui est mort. Vous vous rappelez En pas tout de cas, ça? c'est pas Félicité vu qu'elle est déjà morte. Oh là là. Bah j'espère que c'est elle, moi, tu vois. Mais bon, ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait aussi. Ouais. Ok, bon bah si vous avez plus rien à rajouter, on va passer au final de Gotham. Oh ou pas, hein, Ah c'est mon vraiment dieu, j'ai comme pas vous. encore regardé. Bon, le final de mi-saison de Gotham, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, peut-être resituer un petit peu le contexte. Donc, quelques spoilers, hein, du coup, si vous n'avez pas vu. Donc, on a une espèce de cour des hiboux, finalement, qui a été introduite à travers l'ordre de Saint-Dumas, qui, dans les comics, sont ceux qui avaient créé Azrael. Et dont Théo Galavan, le maire de la ville, fait partie. Gordon a réussi à faire tomber Galavan, et puis finalement, il y a eu plus ou moins un non-lieu. Galavan a été libéré. Il veut mettre au point sa vengeance, qui est de tuer le fils de Gotham, donc l'excellent Bruce Wayne, interprété avec grâce et finesse par David Mazouz. Où le jeu d'acteur se rapproche d'un patient en état végétatif. Et on a aussi la magnifique et très surprenante Silver Saint-Claude qui est donc la nièce de Galavan et qui a pour but de séduire Bruce Wayne et voilà, de Il y a encore torturer. Morena Baccarin dans la série? Oui, il y a Morena aussi qui a l'air de se demander ce qu'elle fout là de temps en temps. Bah, parce que son mec, du coup, est là en fait, vu qu'elle est avec Gordon. Ouais, dans la vraie vie, Ouais. ouais. Et voilà, et Gordon qui est un peu paumé, qui est caractérisé un peu avec le cul, hein, faut le dire. C'est vraiment pas le Gordon qu'on connaît. Même si je suis pas contre l'idée de s'éloigner un peu, mais il a quelques actes qui sont un peu tendancieux. Donc non, bah, pour l'instant, enfin pour moi, ça reste. Même s'il y a eu un sursaut de mieux sur les deux derniers épisodes, ça reste quand même très mauvais. Et même des personnages que j'appréciais comme le pingouin, du coup là ça part vraiment en couille. Il est dans une espèce de bromance avec Enigma. C'est n'importe quoi. Ils font du piano, ils chantent ensemble. C'est ça. C'est des fois t'as vraiment l'impression d'être sous acide quand tu vois ça. Puis t'as l'impression que c'est tourné. Alors c'est vraiment fait au jour le jour, quoi. Parce qu'au début, donc il y avait tout ce fameux arc avec les maniaques, ça allait les échapper de l'asile d'Arkham. Tu les vois finalement 2 minutes. Barbara Gordon, tu t'attendais à ce que ce soit enfin Barbara Keane, une espèce d'Harley Quinn. Finalement, ça va assez vite dégager aussi. C'est très mauvais. En fait, tu me vends carrément du rêve pour regarder la suite, toi. Ah, ouais, vas-y, pareil. Je pense. Hein. Mais ça a l'air tellement mauvais que ça me donne presque envie de regarder. Bah, ça c'est un petit côté, ouais, ça c'est assez théâtral, hein, c'est mal joué, quoi. Et puis même les bons acteurs, enfin ça je l'ai souvent dit, mais il y a Vic McKay quand même dans la série, et même lui, quoi, c'est tout est surjoué, c'est un peu burlesque, ouais. C'est particulier, hein. Et alors, rien à voir avec la première saison. Je sais pas où ils vont aller pour la troisième, mais ça peut aller loin. Mais c'est un peu finalement comme l'ère du Bendis. Tu te dis putain, c'est vraiment de la merde. Je vais quand même voir après s'il peut faire pire. Ouais, c'est pour ça que je continue Aquaman. Ok, bon, on va passer à la suite. Si t'as terminé, Spectra. Ouais, c'est bon. Donc tu nous le recommandes, hein, c'est ça. Ah ouais, ouais. Allez-y, foncez. Mais faut foncer, quoi. Attendez la sortie Blu-ray, comme ça vous pourrez vous mater ça en VF et tout, ce sera encore mieux. Oh, super. Ok. Alors donc, bon, on va passer donc en review comics VF. Donc Spectra, tu gardes le mic avec du Grayson tome 1. Dis-nous ce que t'en as pensé. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire une review d'un tome VF, donc de Grayson. Donc là, ça va spoiler la fin des événements de Forever Evil, mais normalement, lecteur VF, vous êtes à jour, donc vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc Nightwing est censé être décédé pendant le règne du mal en VF. En fait, Bruce Wayne décide de profiter de cette pseudo-mort pour l'infiltrer dans l'agence Spiral, qui mène une enquête sur la découverte des identités des super-héros et quelques trucs pas nets du tout. C'est une série écrite par Tim Seeley, Tom King, et dessinée par Michael Janin et Stephen Mooney. J'ai franchement apprécié cette série. Tom King, je crois que c'est un ancien de la CIA, donc c'est une bonne petite série d'espionnage assez sexy, extrêmement colorée, en même temps assez sombre et violente dans le propos. Ça m'a réconcilié largement avec Dick Grayson, dont je ne pouvais plus voir la tronche après la série Nightwing par Higgins. Je trouve que ce rôle-là lui va vraiment bien. Les interactions avec les autres personnages sont intéressantes. On a Huntress, enfin Elena Bertellini du coup, qui était la Huntress Prenew 52, qui est introduite ici, qui est une agence en spirale. Les épisodes sont plutôt des one shot pour commencer. Ça se lit très bien et au fur et à mesure du truc, il y a une petite intrigue qui se noue et c'est pour moi c'est du bon. Pour moi, c'est tout mauvais. J'en étais sûr. Franchement, je vais essayer de le refourguer parce que je l'ai même pas fini, ça m'a saoulé. Ouais, c'est un peu du petit James Bond là en one shot avec, je sais pas comment dire, ils mettent des baffles entre temps, ils sortent des petites blagounettes, t'as des petites séances de drague machin et tout, mais en fait, ouais, y a pas d'intrigue propre sur un arc ou quoi en fait. Donc du coup, je lis ça, mais je m'emmerde en fait. J'arrive pas à rentrer dedans quoi. Mais si t'es une intrigue, t'as pas compris ou quoi? Il doit démanteler Spirale. Ouais non mais ça c'est de très très loin. Chaque épisode il cherche un nouvel organe. Bon ça va 5 minutes quoi tu vois. Ouais. Mais... Non. Non. Bah moi je trouve quoi. Ça t'as pas un vrai intérêt pour creuser pour essayer de voir ce qui se passe quoi. Donc bon. Avec le méchant fou machiavélique de Spirale derrière. Ouais. Enfin non. Moi non franchement non. C'est un grand nom. Ça m'a pas fait rêver. Donc je vais essayer de le refourguer. Tu l'as lu Cédric? J'ai pas lu le tome en VF, j'ai lu le tome en VO. Moi, je me situe un peu entre vous deux. Je trouve que c'est objectivement une série de qualité. Elle est bien écrite, bien dessinée, mais c'est pas trop ma came. J'ai du mal à rentrer dans chaque épisode. Je suis un peu comme de ton avis, Wally. C'est un petit peu le James Bond du pauvre. Ouais, voilà. Mais c'est quand même, enfin, faut reconnaître, c'est un comics de qualité. Hein. C'est pas écrit avec les pieds. Je pense que l'équipe créative sait où elle va. Je suis pas le public visé, mais c'est voilà. C'est un bon tome. Ouais, ça doit être ça. On doit pas avoir les mêmes valeurs. C'est pas pour moi non plus. Ouais, Vinch, c'est à toi, hein, Batman tome 7. C'était de la merde. Pour développer un peu, donc Batman tome 7. Un petit peu. Pour développer un petit peu, nous avons donc Endgames. Je sais même pas comment c'est traduit en VF en fait. Fini de jouer. Ouais, fini de jouer, c'était encore pire. Donc voilà, donc là on se retrouve avec le retour du Super Joker. Alors au début c'est bien beau, c'est bien cool parce qu'on a droit à la Justice League qui met la gueule sur Batman, ils se battent tous, c'est bien dessiné, c'est fun, ça fait rêver. Bon après on déchante vite parce qu'on a le retour du Joker qui est tout puissant, qui est tout immortel. Enfin, il y a plein de théories qui partent dans tous les sens. Snyder, il fait comme d'habitude, il part dans son délire de ouf. Et ben au final, ça, comme d'habitude, la fin, ben, elle est ratée pour moi, elle tombe un peu à plat. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé, ça m'a pas fait rêver. C'est vrai que j'avais beaucoup de suspense, etc. Chaque fois, je me disais, putain, j'ai envie de savoir, je me demande ce qui va se passer, je me demande ce qui va se passer, la pression monte. Et au final, ben, voilà, quoi. Tout s'effondre comme un château de cartes, ils veulent l'utiliser à court des hiboux, mais c'est, voilà, ça se résume sur 3 pages, c'est hyper mal exploité, je trouve. Et puis la finalité de l'histoire, c'est juste, bah, le Joker est tombé juste au moment là où il faut, donc voilà. Et toi, Spectra, t'avais aimé, toi, non, en VO? Alors, j'avais pas aimé le, contrairement à Vinch, par contre, j'avais trouvé le début assez merdique, là, le passage avec la Justice League, mais plutôt gonflé. Et, non, ouais, moi, j'avais plutôt apprécié. J'avais plutôt apprécié, surtout après, du coup, en voyant ce sur quoi ça allait mener. Puis j'ai trouvé que c'était quand même plus intéressant que le premier arc avec le Joker, là, de Death of the Family. Après, Ouais, c'est du Snyder basique, hein. Faut absolument qu'il pète Gotham, faut absolument que ce soit spectaculaire. Mais c'est bon, sûr que ça plutôt cool. c'était bien mieux que j'ai oublié Dead of the Family, mais là comme tu dis, ce qui m'a saoulé aussi, c'est que c'est dans le même arc, eh ben il pète 3 fois Gotham, c'est tout le temps pareil, il y a tout le temps des méchants partout, enfin où la ville est saccagée à feu et à sang, ça fait quand même 3 ans que la ville est saccagée 14 fois par Snyder. Tu te demandes comment Gotham elle tient encore debout. C'est un peu tendu ça. Et ouais, non, je trouve que ce qui se passe à la fin, bah, ça tombe un peu. C'est vrai que c'est la fin des deux. On voit la fin des deux, mais bon, quand on sait la suite, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Et l'intrigue sur le Joker qui est monté en puissance, je trouve ça dommage la façon dont c'est résolu, quoi. Et toi, Cédric, tu lis en bio, non? Ouais, j'ai lu ce tome. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, c'est un des arcs les plus faibles de Snyder. Le seul point positif que je trouve à cet arc, c'est la finalité qui amène à l'arc suivant, qui lui est plutôt bon. D'accord. Mais l'arc en lui-même, ouais, je le trouve assez faible. Le Joker, j'ai pas cru de ce Joker-là. C'est pas le Joker auquel j'étais habitué. Ça m'a beaucoup gêné. Et puis le fait, ce qui a déjà été dit avant, mais ouais, le Gotham qui pète de partout, moi j'en peux plus. Ben ouais. Donc voilà quoi. Ok, bon, on va passer à Superman tome 1, c'est l'homme de demain, c'est ça là? Ouais, voilà, c'est le mini relaunch par reboot pardon Bon, c'est par pas un Jones et Romita reboot en fait. Junior. Ouais, c'est une sorte qu'ils ont un peu, enfin c'était tellement de la merde que l'update avait fait que ils sont fait un mini kiff quoi, tu vois. Je Je l'ai dis celui-là, je l'ai pas acheté, mais je l'ai pas lu encore. Enfin, je l'avais lu en VO en fait. Ouais, bah c'est pas mal du tout, c'est je dis remettre quand je dis mini relaunch reboot, c'est qu'ils remettent un peu à plat tout ce qui s'est passé, Ouais. ils font leur truc à eux quoi, tu vois. Donc ouais, ça c'est pas mal du tout, j'ai bien aimé parce que enfin Joe Jones, il était bien meilleur à l'époque sur Superman que ce qu'il était là, mais je trouve qu'avec tout ce qui était fait avant, c'est pas mal du tout. Puis moi j'aime bien Romita Junior au dessin. Ouais, J'étais non. j'avais Ah non. un peu des appréhensions, mais là ouais, si j'ai bien kiffé moi Romita. On aime tous Romita ici, Cédric Ah non, tout seul. mais... Ah Ah non, là là. franchement, moi Ah, j'ai kiffé. ah moi c'est ma Et kryptonite, Romita. j'ai trouvé ça sympa, l'arc est bien développé, il est pas trop long non plus, je trouve. Et tout s'embrique bien, etc. Donc j'ai trouvé ça sympa, même si l'histoire avec Ulysse à la fin était un peu attendue. Je veux dire, c'est. Mais sinon, j'ai trouvé ça assez sympathique et c'est du bon Superman, j'ai bien aimé lire, et surtout les dessins, je trouve que c'était un vrai plus pour moi. En fait, bon, on va raconter vite fait un peu l'histoire. Donc, il y a un nouveau surhumain qui arrive sur Terre, et donc en fin de compte, Clark il va l'aider. Et en fin de compte, le Ulysse c'est un peu l'équivalent de Clark Kent en mode 2.0, quoi. Et donc toute l'intrigue sur ça, moi j'ai trouvé ça tout super intéressant. Il y a que la conclusion que je trouve qui est un peu bâclée, quoi. Un peu terminé à la va-vite comme il a l'habitude de faire. Bah, ça c'est Ouais. vrai, ça se termine Ça en c'est une vrai que issue, c'est. quoi. C'est vrai qu'on ça développe bien sur 3-4 numéros, puis à la fin c'est fort fort rapide quoi. Ouais, ça. Ah, c'est un peu son les problèmes qu'il a habituellement. Ouais. Ça ouais, ça a toujours été ça. Mais sinon c'est cool, on a pas mal de Clark Kent au Daily Planet, donc ça c'est pareil, ça manquait un peu dans les titres. Donc ouais, moi je trouve que c'est un bon bouquin. Voilà. Hormis peut-être la fin un peu, mais sinon par rapport à tout ce qui est fait en ce moment sur Superman, comme tu disais, ouais, ça vaut le coup, je trouve. Ah ouais, c'est Bah, ça. Quand on compare par rapport à ce qui s'est fait avant et ce qui se fait après, le passage de Geoff Jones, c'est ça qu'il faut lire, hein, si on veut lire du bon Superman en ce moment. parce qu'après ça pique un peu, hein, Superman. Ah ouais, c'est pas possible. C'est encore pire qu'avant. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, on devait passer à Infinite Crisis tome 4, mais Vinch a ses priorités. Et donc du coup, il l'a pas lu, il a préféré lire Batman Arkham Knight. J'ai pas Donc, fini, c'est tout. Parce que Arkham Knight était plus court à lire. Non mais vas-y, vas-y, y a pas de problème, on le chroniquera la prochaine fois. Moi c'est pareil, Ouais. je l'ai pas fini Infinite Crisis. Donc ouais, donc j'ai Arkham Knight et Ah, Wonder Knight, Woman. Knight, Arkham Knight. Prononce pas le Arkham Knight. K, vas-y. Vas-y, fais pas chier. Je vais commencer par Wonder Woman d'ailleurs, rien que pour te faire chier. Donc Wonder Woman tome 6. Alors ça c'est de la bonne lecture, donc c'est toujours Azzarello au scénario et c'est ouais voilà, t'as bien fait de le dire, sinon j'allais massacrer l'auteur, enfin le dessinateur. Donc là maintenant on se retrouve donc dans le tout dernier épisode, donc c'est intitulé La chute de l'Olympe. Donc on commence justement avec l'Olympe est tombé, c'est le dieu fou, le premier fils qui a pris possession de l'Olympe et qui a décidé de faire la guerre à Diana et aux rescapés. Donc là tout le monde se retrouve sur l'île du paradis. Parce que donc Wonder Woman est maintenant la reine de Themyscira, la déesse de la guerre et Wonder Woman. Elle a beaucoup de titres et donc c'est un peu le combat final entre le grand vilain et Wonder Woman et son équipe. Donc ça se conclut, c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de révélations. Donc j'irai après 6 tomes et combien de numéros au total? Il y a 35, combien? Il y a combien? 34 en tout, non? 35, 34, 35, je 36, fais ouais. tout. 36 numéros. Donc voilà, 36 numéros, on finit enfin cet arc-là. Donc c'était un énorme super gros arc. Bah c'était un run Donc quoi. merci. Ouais, bah c'est en fait le run est un arc complet quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres coupures, c'est tout le temps là, c'est une suite logique. Donc Azzarello, j'ai vraiment kiffé ce run-là, cet arc et tout. J'ai vraiment bien aimé. La fin, j'ai même été surpris un peu par la fin. Même si la révélation finale, je m'attendais un peu à autre chose, mais j'ai trouvé ça sympathique. Donc pour moi, c'est du super bon Wonder Woman. On a de l'action, on a des révélations et c'est pas trop gnangnan, je vais dire. Il y a pas mal de références, quelques références au passé de Wonder Woman. Et donc voilà, dans l'ensemble, c'est un très bon numéro, c'est un très bon arc et je vous conseille de lire ça. Et voilà, on est même un peu triste que ça se finisse avec Azzarello parce que ce qui vient ensuite, il paraît que c'est pas top. Enfin, j'ai déjà lu 2 numéros de la suite et c'est vrai que Azzarello me manque déjà quoi, sur Wonder Woman. Ok, vous avez quelque chose à rajouter, Cédric ou Spectra? Ah bah rien de plus, c'est un immanquable. C'est dans les New 52 pour moi, c'est ce qui s'est fait de mieux. Et le run d'Azzarello sur Wonder Woman, donc. Moi, je Ouais, suis au... ouais. toujours pas commencé, moi, pour ma part. Moi je suis au tome 3. Mais ouais. Je rattrape mon retard en VF là. Je vais devoir acheter une deuxième armoire parce que j'arrête pas d'en acheter. Par contre, faut que je trouve du temps pour les lire. Toujours ça le problème. Ah oui. Ouais. Ok. Bon ben donc on va passer à Batman Arkham Knight. Vas-y. On va passer Batman Arkham Knight. Donc voilà, c'est par Tomasi et Victor Bogdanovic. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça au fait? Il y avait le jeu qui était avec ou non, Non, tu pas l'as du fait tout, ça? bah je Ah sais ouais, pas, donc de ton plein gré quoi. ouais, bah, j'ai bien aimé le jeu, moi. Alors je me suis dit pourquoi pas, tu l'as lu toi, que t'aimes pas ou Non, moi je l'ai pas lu, mais moi pour moi tout ce qui est dérivé d'un jeu vidéo à part Injustice, pour moi c'est de la merde quoi. ouais, J'avais c'est acheté vrai, le Arkham City parce qu'il y avait le jeu quoi, mais sinon jamais de moi-même, tu sais, en Bah étant non, moi sobre, déjà c'est jamais j'aurais acheté ça. Tomasi au scénario, donc Tomasi c'est un bon auteur, et puis les dessinateurs, le dessin, les dessins sont pas mal aussi, donc voilà. Bon, Ouais. maintenant c'est vrai que ce tome 1 n'est pas terrible, Non. je vais te l'accorder, et la suite est mieux, hein. Mais c'est vrai que le début c'est, en fait le problème c'est que si tu lis ça alors que t'as, juste après avoir fini Arkham City, c'est intéressant, tu vois, parce Ouais. que quand t'as fini Arkham City, tu découvres la suite de ce qui se passe juste après, donc c'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est qu'en ayant joué à Arkham Knight, tu sais exactement ce qui se passe. Donc, à part deux, trois passages qui sont quand même pas mal, je veux dire, l'histoire est assez attendue, tu sais vraiment ce qui va se passer. Donc, ils prennent pas du tout de risque entre-temps. Et aussi, le problème, je trouve, c'est que je pense que ça vient du digital. Et t'as cette impression que t'as des coupures, mais tu sais pas très bien. Je veux dire, tu passes d'un numéro à l'autre et tu te dis, t'as l'impression qu'il te manque des fois un chapitre ou deux, c'est un peu. C'est ça que t'as du mal à comprendre, à saisir l'histoire, c'est un peu dommage C'est ça. quoi alors un peu l'histoire? Ben en fait l'histoire ça se passe juste donc après Arkham City, donc après la mort du Joker. Donc c'est la liaison entre Arkham City et Arkham Knight en fait. Ouais voilà, c'est tout à fait ça. Ça se D'accord. passe donc juste après, donc la première case, ben Donc si c'est t'as fait Batman qui... City et Arkham Knight, t'as pas besoin d'acheter le comics quoi. Tu sais tout ce qu'il y a eu en fait. Ouais, plutôt moi, je suppose qu'à terme, ça va t'apprendre des choses, par exemple. Enfin, le truc qui m'a un peu déçu qu'au début, ben, c'est cool, tu vois le Joker, tu vois que le Joker a encore prévu des trucs et tout, pour Gotham, donc il est mort, mais pas tant, enfin, il est mort, mais il arrive quand même encore à tuer des gens, il a prévu des pièges et tout, puis alors t'as son testament et tu te dis, ah cool, tu vas enfin apprendre des trucs sur, le Joker, quoi. En fait, pas du tout, ça se résume à, au fait qu'il parle pour rien dire. Et il compte ses origines, sauf que ses origines, il a fait un mix des origines de Bruce Wayne et de, enfin, de Batman et de Superman. Et il s'est inventé des origines. D'accord. Tu vas me dire, c'est très Joker, mais c'est bien, mais en fait, ça prend 6-7 pages où tu vois que le gars, il s'invente une vie et il se parle à lui-même, quoi, tu vois. D'accord. Tout ça pour qu'au final, ils disent, j'ai planqué une bombe dans Arkham. Puis t'as le commissaire Gordon qui est emprisonné, enfin, qui est empoisonné au venin, donc Batman doit le sauver, etc. Donc voilà, et tout ça met en place Arkham Knight, où justement t'as l'Arkham Knight en fond quoi. Ouais. Mais ouais, ça apporte pas grand-chose, je veux dire, à l'univers comparé à Injustice où il y avait vraiment des vrais rebondissements. Là, à part une dizaine de pages qui sont intéressantes, le reste c'est assez attendu et pas vraiment intéressant pour le roman. Donc voilà, c'est pas non plus la grande lecture à défaut, c'est assez beau. Mais voilà, je veux dire, ça développe l'univers d'Arkham, mais c'est pas non plus un indispensable. Maintenant, la suite sera peut-être plus intéressante, je ne sais pas. Ah, est-ce que tu vas quand même acheter la suite? Ouais, parce que j'ai vu, les critiques de la suite sont intéressantes. Je veux dire, ils mettent D'accord. les critiques mettent en général des bonnes notes. Et ce que j'attends aussi, c'est Arkham Knight Origin, qui a l'air plus intéressant aussi sur Et l'identité de t'as l'Arkham acheté Knight. The Flash la série aussi ou pas? Et Arrow la Non, pas série? du tout. Non? Ça, Non, pas du tu m'étonnes quand même. tout. Faut pas déconner non plus. Tu peux apprendre des choses en plus, ça se passe avant et après. Casse-toi. Moi, je vais acheter Gotham, la série. Putain, Ah, mais. j'ai hâte, hein. Oh, c'est même pas prévu en plus. Non, non, il manquera plus que ça. Ouais. Non, mais là, on se Ouais. base quand même sur un truc de plus de qualité, quoi. L'univers Arkham, c'est quand même un truc qui a plus de qualité, et c'est pas non plus hyper mauvais, hein. Ouais. Ça se Non, mais tu respire, quoi. peux. C'est juste que c'est pas intéressant quand t'as fait Arkham Knight, je trouve, déjà. Mais T'apprends est-ce pas qu'ils vont faire grand-chose. un jeu vidéo adapté du comic et adapté du jeu vidéo? Non, c'est pas prévu, ça. Non. Non, ils Oh, feront une série sur la CW. D'accord. Ouais. Je pense que Arrow est déjà pas mal pour copier Batman, donc je pense que ça ne sera pas nécessaire. Ouais. Ok, bon, on va passer Voilà, c'est tout. au. C'est fini? Ouais, c'est fini. On va passer au Revue Comics VO, donc avec les sorties tant attendues par tout le monde. Donc on va commencer par Dark Knight 3. Cédric, on t'écoute. Finch reste avec nous? Ah ouais, Vince, Oh, tu fais quoi? du coup, j'écoute pas, moi, parce que Ah avec oui? Dark Knight 3, je suis tellement fan. Enfin, non, pas du tout, mais même j'ai pas envie de me faire spoil certains trucs, parce que je vois. T'as deux autographes, hein? Ouais, non, mais j'avais adoré le premier, hein. Franchement, Dark Knight Returns, j'ai adoré, mais le 2 qu'il a fait, c'était horrible, quoi. Ah, mais tu vas détester le 3, là. Ah, ok. Ça m'a pris. Tu restes avec nous ou pas, alors? Non, du coup, je vais pas écouter. Ok. Bon, je t'enverrai les spoilers par texto, alors. Vas-y, fais ça. Allez. Ah Ah bah, putain, vas-y. alors, merci. Bon week-end, l'ami, à bientôt. Salut Vinch. Salut Vinch. Salut à tous. Salut. Ah, Ah, enfin, il s'est cassé. Ah, Bon, on commence Cédric. avec Dark Knight 3, le Vas-y. Master Race numéro 1. Donc au scénario, on a Frank Miller, peut-être, avec Brian Azzarello, ça c'est sûr. Sûrement, sûrement, ouais. Et Andy Kubert au dessin. Alors déjà, je vais commencer par les dessins. Quand on est habitué au Dark Knight de Miller, ça fait un choc parce que les dessins sont beaux. Alors, Dark Knight Strikes Again, ça piquait vraiment les yeux, alors que là, on prend du plaisir à lire le comic. Alors, par contre, pour l'histoire, c'est la suite quelques années après de Dark Knight Strikes Again, et on reprend exactement où on en était pour les personnages. Donc, faut vraiment avoir lu les deux premiers pour pouvoir apprécier celui-là. Et ce numéro, en fait, c'est un numéro contrairement aux autres Dark Knight de Miller, on n'a pas un numéro très long. Où il se passe beaucoup de choses. On a un numéro court, donc de 20 pages, avec un backup sur Ziatome. Et le numéro principal, c'est vraiment un numéro d'exposition où on nous présente le statu quo des différents personnages. Donc, en fait, il se passe pas grand-chose jusqu'au cliff de la dernière page. D'accord. Donc, j'ai pas grand-chose à raconter pour l'histoire parce qu'il y a pas vraiment d'histoire, mis à part donc ce fameux cliff que je vais pas révéler. Maintenant, pour en donner mon avis. Alors, faut déjà que je commence en disant que moi, je dois être un des seuls qui a aimé Dark Knight Strikes Again. Donc je vais faire mon coming out. J'ai aimé Dark Knight 3, The Master Race numéro 1. J'ai trouvé que c'était j'étais content de retrouver ces personnages et l'état dans lequel ils étaient. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, on a les mêmes défauts hein, que dans Dark Knight Strikes Again. C'est parfois un peu confus. C'est une société un peu comment dire, je cherche un peu mes mots là. On est dans une société presque post-apocalyptique, donc on reconnaît pas du tout. Si on est habitué à l'univers de Batman actuel, on reconnaîtra rien du tout. Donc, D'accord. il faut vraiment vraiment être familier avec cet univers-là. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce numéro. Pour moi, c'est un immanquable. Je vais continuer, mais je comprends que ça rebute beaucoup de monde. Tout le monde dit que Frank Miller n'a pas participé à ce numéro. Il y a quand même sa patte. C'est son univers, c'est ses personnages, c'est le message qu'il veut faire passer. C'est le même que dans Dark Knight Strikes Again. D'accord. La loi du talion, ça continue quoi. Tu Je l'as sais pas lu? si je suis le seul à l'avoir lu. Ouais, Spectra, tu l'as lu? Je l'ai feuilleté. J'ai feuilleté ça vite fait. Je vais attendre qu'il soit tout relié pour le prendre. Et puis le commissaire actuellement, enfin ça fait. Je trouve que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est, mais Très très cher, c'est très très cher. les dessins de c'est Kubert, hein, je crois, qui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt joli, la colo rend très bien aussi. La première page m'a bien rebuté là avec les espèces de tweets, les Ouais, trucs comme ça, je trouvais ça un peu con du coup. ça dure que sur deux pages. C'est vrai que pour moi, ces pages-là sont illisibles. Pourtant, je maîtrise bien l'anglais, mais là, l'anglais en langage texto du futur, hein, c'est pas possible. Ouais, ça piquait un peu les yeux, et puis du coup ça me sortait un peu j'avais l'impression que du coup ça se rapprochait carrément plus de notre société que ça pouvait l'être dans Returns et Strikes Again. Et après oui, bah il se passe pas non plus grand chose de l'épisode, et puis il y a ce fameux cliffhanger à la fin, donc à voir. J'ai pas pu lire le backup, j'ai juste regardé pour le coup, et je crois que c'est Miller en plus qui l'a dessiné. Ouais, dessiné et écrit. Alors pour moi, j'ai vu des mauvaises critiques sur son dessin. J'ai jamais vu Miller. Enfin, j'ai jamais vu. Non, j'ai pas vu Miller en forme à ce point-là depuis très longtemps. Je trouve Ah le ouais, dessin moi plutôt pas mal. aussi, ouais. Et par contre, le scénario, voilà. Je pense que c'est le genre d'histoire qui s'appréciera quand on aura toute l'histoire. Mais juste comme ça, une petite issue, là, y a pas assez pour juger, quoi. Le format est très étrange, hein. En tout cas, Ouais. je sais pas si tu l'as lu en digital ou si t'as eu le truc dans les mains, mais c'est. Non, je l'ai lu en digital, mais je l'ai vu, ouais, c'est bizarre, hein, c'est tout petit, Vous avez. c'est un espèce de feuillet qu'on met dans le, mais je sais pas ce que ça va donner quand ce sera en relié, comment ils sortiront ça. Je sais Ouais. même pas si ça se relie à l'histoire de l'autre, ou si c'est juste un bonus pour histoire de vendre le comics plus cher, je sais pas. En tout cas, il y a certaines théories qui disent que ce qui se passe dans ce premier backup sera peut-être annonciateur de tout l'événement d'après, mais. C'est pas impossible parce que l'atome était déjà très important dans Dark Knight Strikes Again. Ouais. Et cette partie-là était plutôt bien foutue, j'avais trouvé Ouais. avec Atom. Et la partie, là, j'ai pas parlé de Wonder Woman, mais la partie qui est centrée sur Wonder Woman dans la partie principale est plutôt très bonne, est vraiment très jolie. Mais bon, c'est pareil, c'est tellement introductif, il y a 4-5 pages sur chacun des personnages, donc du coup, au final, il se passe rien sur l'histoire du numéro. En tout cas, on a vu des numéros 1 bien pire que ça, hein, cette Ah année. oui. Moi j'ai vu des critiques, mais qui descendaient ce numéro en flamme. Je pense que c'est surtout lié au fait que ce soit Dark Knight 3. Est-ce qu'il y avait besoin de faire un Dark Knight 3? Mais bon, après le numéro lui-même, il est très cher, trop cher, mais il se dit très bien. Ça fera un bon accueil à la fin, comme les autres. Ok. Bon, ben, on va continuer donc sur Batman avec Batman Europa, Spectra. Ouais, du coup, ça va être un peu la fête à Batman, hein, ce mois-ci, Ben, tu lis donc. que ça, tiens. Assume un peu. Et, putain, non, en plus, comme j'ai varié mes lectures, là, entre Green Arrow, Midnighter, Grayson, Omega Vas-y, Men de temps en temps, vas-y. t'es mauvaise langue. Hein. Non, ben, je parle plus. Ouais, donc, du coup, Batman Europa, qui est encore qualifié d'Arlésienne il y a quelques temps, qui est un projet qui avait été lancé, je crois, en 2011. initié par Jim Lee, qui voulait faire un tour de faire à Batman un tour de l'Europe. Donc c'est écrit par Brian Azzarello, l'omniprésent sur les titres Batman, Matteo Casali avec des dessins de Jim Lee sur une mise en page de Giuseppe Camuncoli et à la colo Alex Sinclair. Donc l'histoire est vraiment très simple. Donc ça commence par Batman qui fout sur la gueule à Killer Croc. Donc si vous avez lu Silence, vous serez pas vraiment dépaysé. Et donc c'est Batman et son ordinateur qui sont infectés par un virus qui s'appelle Colossus. C'est Alfred qui lui découvre ça. Et du coup la première piste l'emmènera dans la ville de Prague, où il découvrira que l'un de ses ennemis est aussi infecté par ce virus et qu'il devra collaborer avec lui pour pouvoir se sauver. Et il aura une semaine pour faire ça avant de crever. Bon, l'ennemi, hein, tu peux le dire, il est sur la cover. Oui, c'est le Joker. Hein. même temps, En même temps, oui, voilà, qui d'autre, hein. Donc, ça vaut le coup, alors? C'est encore un peu tôt, numéro très introductif. Alors, au niveau des dessins, c'est magnifique, hein. Je trouve que pour le coup, Jim Lee, il est pas vraiment dans le style des. Ça fait pas tellement 90s et tout. Je trouvais ça assez chouette. Revoir Batman en slip, bon, pourquoi pas. Mais bon, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est encore un peu trop tôt. C'était pas la narration n'était pas exceptionnelle, quoi, franchement. Ah non, ça casse pas des briques hein, au niveau de Ça fait l'histoire un pour peu l'instant. vieillot à la limite dans la manière où c'est raconté, mais c'est plus intéressant visuellement pour l'instant que Ça scénar. se lit très très très vite hein. Je crois Ouais. qu'il m'a fallu moins de 5 minutes pour le lire et ouais après tu reviens dessus pour les dessins parce que c'est très beau. Par contre, je sais pas si tu as cité un encreur. Est-ce qu'il y a un encreur sur Il ce n'y a pas titre? d'ancrage sur Ah ce ouais, titre. mais c'est flagrant. Ah Et oui, c'est particulier. ça m'a gêné toute la lecture. On a l'impression que Jim Lee a fait son dessin. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il fasse tous les dessins. Je crois il finit les dessins, je crois. Il finit les dessins de Camille Colli. Ouais, c'est ça. Et j'avais l'impression que Jim Lee avait pris ses crayons de couleur après pour finir, quoi. Putain, le comics en mode Ikea, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est pas une lecture honteuse, hein. C'est un peu. Je sais pas si la lecture single vaut vraiment le coup. Non, ça se prendra en relié chez Urban, hein. Ouais, je crois que je vais pas prendre les suivants et j'attendrai le recueil. En Ouais, fait, moi non plus. ils ont fait Dark Knight 3 avec Miller sans Miller et Europa avec Jim Lee sans Jim Lee, en Ouais, fait. c'est un peu ça, hein. Ce qui est dommage enfin, à la limite, fallait laisser Camuncoli tout réaliser, quoi. Le mec est largement assez compétent pour ce genre de récit, Mais quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il s'appelle. qu'est-ce qu'a fait Jim Lee en fait? On n'est même pas sûr qu'il en ait fait tant que ça. C'est un peu comme Miller sur Ah DK3, oui, hein. On le a problème, l'impression c'est qu'il que. met son nom sur la cover pour en plus, mais. C'est ça. Parce que Camuncoli, il s'appelle pas Jim Lee. Camuncoli, il a juste un nom à coucher dehors. Donc du coup, ça fait moins vendre, quoi. Ah, puis Jim Lee, c'est la star. Eh oui. Il y a des gens qui achètent, quel que soit ce que fait Jim Lee, ils achètent. C'est Ils ça, bah achètent c'est même ça. Ah, le All-Star Superman, le All-Star Batman, bah c'est ça. All-Star Batman, putain. Bon, on va poursuivre sur du Batman, hein. Batman 46, Cédric. Batman 46, donc du bon Batman. On parlait tout à l'heure de la fin du tome 7. Là, donc ce sera je pense, le tome 8 chez Urban. Mais donc là, on arrive à la fin. Oh, je pense que c'est bientôt la fin. Donc c'est la sixième issue de l'arc centré sur Bloom. Donc on reprend exactement où le tome 45 s'était arrêté, une soirée dans laquelle Bloom a pris tout le gratin de Gotham en otage. Je vais pas trop en dire plus parce il se passe énormément de choses dans cet épisode. Mais j'ai vraiment envie de rien révéler sur l'intrigue. Juste pour dire que il y a quelques indices qui laissent à penser que Bloom serait connu des autres personnages, j'allais dire de Bruce Wayne, mais Bruce Wayne il se rappelle plus de rien donc. Mais donc que Bloom serait connu donc on aura peut-être affaire à un méchant qu'on connaît déjà ou à un gentil qui est tourné méchant, on ne sait pas, mais il y a plusieurs indices dans le comics qui laisseraient penser ça. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a plein de petits indices un peu ici ou là. Peut-être que c'est moi qui ai envie de voir ça, mais j'ai trouvé ça chouette. Ce que j'apprécie beaucoup dans cet arc de Batman, c'est donc Bloom, le méchant que Snyder a introduit là à la fin de Zero Year. Maintenant, je sais plus si c'était à la fin de Zero Year ou si c'était dans l'issue écrit par Azzarello. C'est dans l'issue par Azzarello, ouais. Ouais, ok. Je trouve que c'est un méchant vraiment vraiment intéressant. Je l'avais déjà dit le mois dernier, mais il continue d'être vraiment passionnant. Il était introduit dans Zero Year ou dans Endgame? Non, il a été introduit dans Super Heavy à l'occasion du De enfin il l'issue a ouais. que Snyder n'a pas écrit et qui a été écrit. C'était un annual hein, ou Non, c'était non, l'issue? non, en fait c'était non, non, il est apparu rapidement dans l'arc Super Heavy. Mais en tout cas ses origines, enfin ça aussi c'était un peu de l'arnaque, ses soi-disant origines à Bloom, c'était dans le numéro écrit par Azzarello qui était le je sais plus le 45 je crois. Non, Ouais, le le 44. 44. Mais oui, mais par contre, dans le numéro d'Azzarello, on s'apercevait que Bloom apparaissait suite à Zero Year. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est pour ça que j'avais un petit peu tout mélangé dans ma tête. Mais voilà, pour moi, Snyder, il est vraiment excellent lorsqu'il s'agit de créer des méchants. La Cour des Hiboux, c'est une super invention. Bloom, c'est une super invention. Sinon, pour parler un peu de Bruce Wayne, il évolue doucement. Et on voit en fait, il est libéré de toutes les névroses qu'il faisait de ce qu'il est, ce qui pour la, pour les raisons pour lesquelles il était devenu Batman. Et donc c'est un Bruce Wayne très différent, mais on voit qu'il évolue tout doucement vers un. Il est moins en moins béni oui et très gentil. Il se rapproche de plus en plus du futur Batman qui sera, je pense. Si jamais Snyder est sur le titre, parce que évidemment, si on a un autre auteur, peut-être qu'on partira vers complètement autre chose. Mais il est beaucoup plus humain à mon sens et moins calculateur que ne peut l'être Bruce Wayne. Avant le Endgame. Et je trouve ça plutôt intéressant. Moi, pour moi, le run de Snyder, ce run-là, c'est que du bon. Je serais impatient de lire le suivant. Mais il est temps que ça se conclue, par contre, là, l'arc commence à être un peu long avec Bloom. Et j'aimerais bien savoir aussi quelles sont ses motivations, mis à part le chaos, parce que si c'est juste le chaos, on a juste affaire à un énième Joker. Et toi, Spectre, à ton avis, tu l'as lu aussi? Ouais, je l'ai lu aussi, j'ai adoré, c'est vrai qu'il se passe énormément de choses dans ce numéro, c'est assez dense, c'est bien écrit. Snyder n'abuse pas trop, Bloom est hyper charismatique, Bruce Wayne revient tout doucement, effectivement, comme Cédric l'a dit, sur ce qu'il a été, mais en mode moins je suis un gros connard. Non, franchement, pas mal. Et effectivement, il est temps que le run. Enfin, ouais, là-dessus. Il est temps que l'arc se termine et que le run de Snyder se termine. Snyder reste, hein, par contre. Capullo s'en va, mais Snyder va rester sur Batman. Hein, Ouais, donc, Capullo fait une pause juste. Il revient ouais. après. Ouais, il va toucher des sous un peu, chez Image. Ouais. Bah, en tout cas, Gotham n'est pas encore détruite. Ah ben. Ouais, ça ne serait tardé. Ok, alors on poursuit donc ben, sur du Batman, hein, les gars. Détective Comics 46, Oh la Spectra vache, continue. là par contre, c'est dur. Ouais, c'est un peu une purge. Hein. Donc écrit C'est par dur. Tomasi, dessiné par Takara. En fait, c'est un arc en deux parties en attendant la Robin Noir. Donc c'est la Justice League qui quémande l'aide de Gordon pour mener une enquête sur une carcasse de monstres qu'ils ont retrouvée dans l'Himalaya. Donc on apprend d'où vient cette carcasse, pourquoi il y a cette carcasse, et voilà, il y a une espèce de gros monstre, il y a Gordon qui chante une berceuse, et voilà, tout va bien. Tu n'as pas pleuré à la fin? J'étais C'est tellement ému, moi. Ah, c'est ah, magnifique, ce numéro magnifique. vrai que j'en ai chialé, hein, Chialer d'avoir dépensé $4 pour acheter ça, quoi. Ça, ouais. Mais en plus, Détective Comics, j'ai arrêté mon abonnement, mais entre le moment où t'arrêtes, où c'est vraiment effectif, tu reçois encore deux numéros, donc tac, Ah, celui-là, non. Je l'ai reçu, t'as mais reçu j'en le peux plus. 47. Tu vas recevoir le 47 ou tu t'arrêtes là? Parce que là, c'est la fin de l'arc, hein. C'est parfait, un Ah, arc en ça deux serait con tomes. de On s'arrêtait là. 47 et puis après c'est tout. Ah, ah bon, bah ça va alors. Tu Ah pourras... non, mais c'est atroce. C'est la purge du mois. Pire qu'Aquaman. Quand même, c'est devenu Hein. nouveau Bendis des Et comics. pourtant, le numéro 45, il laissait pas supposer que ça allait devenir aussi mauvais. Hein. D'accord. Mais Tomasi, il côtoie l'excellence, c'est vraiment le très médiocre, hein, c'est. Ah ouais, c'est pas possible, quoi. C'est son fils qui l'a écrit, c'est pas. Enfin, c'est horrible. Horrible. Ok, bon, on va s'arrêter là alors sur celui-là. C'est de Ah la ouais, merde. bah. Ok, on va passer brièvement sur les tie-in Darkseid War, Cédric. Donc Ouais, bah, je vais pas déjà. revenir sur l'ensemble des tie-ins parce que chacun des tie-ins s'intéresse en fait aux différents destins des héros impactés par leur Darkseid War. Je vais plutôt m'intéresser à ceux que j'ai aimés, donc ça va aller vite. Alors, clairement les Ah, tie-ins à... attendez, Vas-y. juste désolé de vous couper. Je viens de me rendre compte que j'ai jamais reçu mon Justice League 46, donc Non, il est doucement pas sur le. sorti, c'est une erreur de ma Ah, part dans le conducteur. Il ah, il sort est pas sorti. en décembre, le 46. Ah, putain. Il y a pas eu de Justice League ce mois-ci. Ouais, Mais vas-y. il y a les tie-in, donc donc pour parler de l'ensemble des tie-in, en fait, en gros, aucun ne sert à quoi que ce soit. Tu les as tous lus, les 5 ou 6? Ouais, je les ai tous lus. Il y en a 5, le 6e sort mercredi sur Lex Luthor. D'accord. Alors, ils sont tous sans intérêt pour l'histoire. Par contre, ils peuvent être intéressants en eux-mêmes, hein, pour lire un bon numéro, quoi. Ouais, ouais. Mais il y en a pas beaucoup des bons, hein. Sur les 5 que j'ai lus, j'en ai aimé que 2. Donc, en l'occurrence, j'ai aimé le Flash. En plus, quand je dis que j'ai aimé, hein, c'est pas un numéro foufou non plus, hein. Ouais, le Flash, c'est pas très foufou, quoi. Bah, il est très beau, le Flash. Le problème, c'est que c'est une histoire en 22 pages qui pourrait être résumée qui aurait pu être faite en 4 pages. Ouais. Mais c'est un peu le problème qu'on a avec l'ensemble de tous ces tie-in. Ils ont décidé de sortir 6 tie-in alors qu'ils auraient pu sortir juste une issue avec 4 pages sur chacun des personnages et on aurait eu la même chose. Ouais, faut vendre un peu, quoi. Mais au final, ce sera un recueil qui sera pas dégueu, hein. Le Green Lantern notamment est vraiment intéressant. Le Flash est pas mal. Le Batman se lit aussi. Mais après, il y a Superman et Shazam qui sont extrêmement mauvais. C'est vraiment tellement inégal que c'est difficile d'en parler comme d'un ensemble. Mais si on veut vraiment tout lire sur la Dark Side War, c'est un petit peu comme si on voulait tout lire sur Forever Evil avec les mini-séries qu'il y avait autour de Forever Evil, Argus. C'est un peu dans cette lignée-là. Donc c'est un TP dont on peut se passer, mais qui peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment exactement tout savoir sur la Dark Side War. Il y a rien à recommander là-dedans, en fait. C'est très mineur. Alors que l'arc Dark Side War est vraiment excellent. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà. C'est un tie-in habituel. Hein. Bon, la chance qu'on a, c'est qu'ils les ont pas mis dans les séries régulières. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on a un mois sans numéro, je pense que pour Jason Fabok se repose un peu. Oui, non, mais je veux dire, ils ont pas mis tie-in dans les autres séries régulières, quoi. Si tu veux, ils ont pas coupé Green Lantern et tout, quoi. Donc, c'est quand même. Ouais, mais après, ils surfent un peu sur le succès de Dark Side War pour essayer de vendre 6 numéros en plus, en quoi. En plus, ouais, bien sûr. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors que 6 numéros sont largement loin d'être indispensables. Ouais, bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est pas Jones qui les écrit, et donc, on sait très bien que ça n'aura aucun impact sur la série, quoi. Ok. Bon, ben, on va passer, seul numéro. Quoi, si, j'en ai lu d'autres des numéros VO, mais je vais pas les chroniquer. Et donc, le Flash 46. Moi j'ai trouvé que ça remontait bien par rapport aux autres, donc toujours la même équipe, Brett Booth avec Venditti et Van Jensen. Donc là on a enfin une vraie confrontation entre Flash et Zoom. Ils vont se battre sur un espèce de pont, et en fin de compte, moi je vais un peu spoiler, mais l'équipe de Zoom elle va enfin se rendre compte qu'il les a tous pris pour des cons, donc ils vont commencer à se rebeller un peu contre lui. Oh, on l'a pas vu venir, ça, hein. c'est clair qu'on l'a pas vu venir. Voilà, il y a ça, il y a le père de Barry qui a inventé un fusil pour enlever les pouvoirs, qui revient sur scène pour filer un coup de main à son... Et le père de Barry, il est balèze, il est en prison, ouais. Il invente des trucs et tout, moi j'adore. Ouais, c'est un monstre. Déjà, il va en prison, il s'enfuit de prison pour rien faire. Si, ouais, c'est ça. Juste comme ça. Et après, là, il revient avec un truc, ouais. Il est vraiment balèze. Et donc, ouais, en fait, c'est de la baston sur toutes les pages du numéro, mais voilà, pour une fois, on a enfin une vraie confrontation, ça avance un peu, on va dire. Et après, on a la dernière page qui est assez intéressante, donc on verra un peu, je pense qu'ils vont se rapprocher du run de Geoff Johns à l'époque, quoi, sur le, notamment, sans trop spoiler, sur le nom de l'assassin de sa mère. Ça avait été teasé, mais bon, là, je pense qu'ils vont rentrer dans la logique de Geoff Johns. Donc, je trouvais que c'est un numéro sympa, mieux que d'habitude. Et j'ai quand même hâte qu'ils s'en aillent tous, quoi. Ah ouais, là, c'est plus possible. Mais je sais même pas si c'est prévu, hein, je crois pas, hein. Oui, ils vont se barrer, je pense, bien sûr. Et là, les équipes commencent à tourner, je pense qu'ils vont partir. Ça se voit pas dans les sollicitations, hein, pour l'instant. Hein. Non, c'est pas annoncé encore, ouais. Il est toujours là, hein, Venditti. Il s'accroche, hein. Comme ouais, il voulait son rocher. Je pense que d'ici 2-3 mois, il va bouger aussi, quoi. Je pense qu'il y aura un nouveau scénariste avec des nouveaux dessinateurs. Parce que c'est pareil, il est pas annoncé non plus par Tank et Lantern, Venditti. Je crois pas, hein. Ouais, mais je me rappelle quand l'ancienne équipe de Flash, quand ils sont partis, il y a eu un scénariste, Buccellato, il est resté scénariste quelque temps, et t'as eu d'autres dessinateurs pendant quelques numéros, et après ouais, ça y est, la transition elle a été faite, ils ont ramené une nouvelle équipe. C'est vrai. Donc là, le dessinateur, je pense qu'il est là pour boucher les trous, et après, voilà, dès que, je pense que ça va, quand leur arc sur Zoom, il sera fini. Mais j'ai les sollicitations, je crois que l'arc de Zoom, il se finit bientôt, en fait. Parce qu'après, il partait sur autre chose encore, non? Je sais pas, j'ai pas suivi les sollicitations. Ça parlait des rogues. ou je sais pas, ou peut-être qu'ils partiront à la fin. Ah, le retour des rogues. Ouais. Oui, mais du bon côté de la loi, non? Apparemment, c'était pas ça avec. Ah, parce qu'il y en a un qui est dans la Justice League là. Ah oui, il y a Cold, ouais. Cold qui est dans la Justice League, ouais. Ouais, mais on le voit pas là pour l'instant dans Darkseid War. Bah, dans Darkseid War, ouais, il a pas grand-chose à faire. On le voit dans quelques cases de temps en temps, mais ah, j'ai pas fait gaffe. Il a pas un rôle majeur. Bon, on va dire que c'est un bon numéro par rapport aux autres qui nous ont servi, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il a commencé quand cet arc? J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça, 10 ans. Non, on est au 46, ça doit faire. Là, ça doit faire 5 ou 6, hein, ouais, je pense qu'on arrive en fin d'arc, là. Pas loin, ouais. 5, 6, t'imagines un peu. Pour rien raconter, quoi. Ouais. Ok, donc voilà pour Flash. Ensuite, Cédric, on va passer à Superman et American Alien, que j'ai lu aussi. Bah, vas-y, je te laisse commencer. Ah, je l'ai lu aussi, ouais. Ah, bah, parfait. Pour moi, c'est mon coup de cœur du mois, en VO. C'est le numéro de Superman que j'attends, mais je suis tellement écœuré de Superman que c'est peut-être pour ça que c'est mon coup de cœur. Enfin un Superman bien écrit, donc au scénario Max Landis et au dessin Nick Dragotta. Les dessins sont... Alors, d'abord, avant de parler des dessins, je vais parler un petit peu de l'histoire. On se situe à Smallville, au moment où Clark Kent doit avoir entre 8 et 10 ans, je dirais. Je pense que c'est... Je sais pas si c'est dit dans le numéro, mais... Et il a à peu près... C'est à peu près le moment où il découvre comment voler. Donc il découvre qu'il sait voler, mais il n'arrive pas à maîtriser son pouvoir. Donc il a des petits problèmes à contrôler la descente notamment, qui peut causer des soucis pour ses parents. Et donc tout le numéro va consister à essayer de maîtriser ce nouveau pouvoir, tout en essayant de le cacher plus ou moins, parce que ça c'est pas très clair dans le numéro, savoir si les habitants de Smallville sont au courant que Clark est spécial. Parce que le médecin a l'air de savoir que Clark, le médecin de famille a l'air de savoir que Clark est spécial. Le père Kent, il a un ami pilote d'avion. Ça dérange pas de voir Clark voler en plein milieu du champ. Voilà. C'est quoi que t'as aimé en fait? Ce que j'ai aimé, c'est le comment dire le côté touchant. L'atmosphère, voilà, le côté ouais. Touchant de l'histoire. Déjà, c'était très bien écrit. J'avais l'impression d'être dans cette famille au moment où je le lisais. C'était vraiment très touchant, très très émouvant. Et c'est le but d'ailleurs du scénariste. Chaque issue verra une époque différente de la jeunesse de Clark, et chaque issue aura une tonalité différente. Et donc la première issue, c'était sur l'émotion, sur l'enfance. Et j'ai vraiment été touché par ce numéro. T'as pas eu l'impression de l'avoir déjà lu, ça? Enfin, oui, bien sûr. Lire et relire des origines, c'est... Origin Story, on les a déjà vus 1000 fois, mais après, je pense qu'il faudra attendre les autres numéros pour voir s'il a quelque chose de nouveau à raconter, mais l'histoire, t'apprends rien sur l'histoire de Clark Kent. De toute façon, une Origin Story, voilà, on n'apprend plus rien maintenant, mais j'ai quand même été touché. La scène où on le découvre avec sa première cape, je trouvais très bien amené. Voilà, j'ai bien aimé l'ambiance, quoi. Ouais, j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé aussi l'idée d'avoir une série qui va suivre le développement de Clark Kent sur peu de numéros, donc juste sur un TP. Voilà. Et les dessins ont un côté très enfantin qui va très bien avec carrément. L'histoire. Ouais. Mais dans l'issue suivante, ce sera un autre dessinateur. Non, mais c'est vrai que... Je salue l'entreprise. Le dessin avec l'histoire se colle parfaitement, quoi. C'est clair. Ouais, ouais. Et toi, Spectra? Ah, j'ai bien aimé, ouais, moi c'est aussi c'est peut-être même mon coup de cœur du mois aussi, avec un peu de recul. Bah alors voilà, ça a été tellement mauvais les numéros de Superman et d'Action Comics récents que peut-être que ça a permis aussi de sublimer ce numéro. En c'est tout ça, cas, je pense que ça joue aussi, hein. Non mais c'est vrai, hein. On lit tellement de mauvais Superman en ce moment que on en lit un de bien, on se dit oh là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas prêt. Ouais. Et ouais, non, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très touchant. Effectivement, il a largement rempli sa mission, Landis, de porter un récit un peu plus sur l'émotion. C'était une origin story qui était pas désagréable à lire. Donc, je pense pas que je vais lire les autres. Je pense que je vais attendre de lire ça en relié pour le coup. Ouais, c'est comme Europa. Ouais, je pense que ça se lira très bien en relié. Mais le truc, l'avantage de celui-là par rapport à Europa, c'est que là, c'est des one shot. Donc on peut vraiment lire. On n'est pas obligé même de lire toutes les issues, je pense. Alors que Europa, c'est une histoire complète. Vous l'avez lu, le Superman de Kurt Busiek là, Identité secrète ou je sais plus quoi? Ah, je l'ai pas lu celui-là. Non. Ah, celui-là, il est chez Urban. Attends, c'est Superman. C'est Identité secrète, je crois que ça. Ouais. Ah, celui-là, il est fantastique. Hein. Si vous avez aimé le côté émotif, machin, celui-là, il est génial. C'est mon bouquin de Superman préféré. Tu vois, on est sensible aussi, Wally, comme toi. Ouais, c'est ça. On est sensible à la qualité, nous. Le mec qui regarde Leftover et il vient de parler de qualité. C'est pas compatible. Ok, donc c'est votre coup de cœur, les gars. Bon, ben, écoutez. Et toi, t'as pas aimé, Wally? Ouais, moi, ça m'a pas touché, moi, tu vois. Ça m'a pas, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, en fait. C'est sympa et tout, mais. Ouais, non. Pas plus que ça, en fait. Ok, on va passer à. Ah, bah, du Cresson, Spectra. Ouais, alors Grayson 14, ça va être assez rapide parce que je l'ai lu entre 2 jours de taf et vu que je bosse en 12 heures, j'étais bien fatigué et du coup je m'en souviens quasiment plus. Donc voilà. Ok, bah vas-y. Désolé, donc un numéro toujours écrit par Silly King et avec Mooney au dessin. Et puis voilà, donc en fait dans ce numéro on remonte aux origines de Spiral sur sa création et avec toujours Grayson qui essaye de démanteler Spiral et démanteler Spiral ça commence à devenir de plus en plus urgent et plus sauter pour une destruction qu'autre chose, donc voilà, avec toujours le Midnighter qui est en arrière-plan de Grayson. Tu te rappelles si t'as aimé au moins ou pas? Bah, à chaque fois que je lis Grayson, je me dis ouais putain c'est cool et à la fin je me dis putain merde je me souviens plus de ce qui s'est passé. C'est une série que j'ai chopé en cours de route aussi, c'est comme Midnighter, je me suis encore pas lancé dans les reviews parce que j'ai pas chopé le 1, le 2, donc il y a des trucs qui sont pas encore très clairs et voilà, mais non globalement j'ai eu souvenir que c'était un bon numéro dans la continuité des autres. D'accord, ok. Ok, on va passer au deuxième coup de cœur de Cédric, Aquaman 46. Alors, Cullen Bunn au scénario, enfin, ce qu'on peut peut-être appeler un scénario, et Vicente Cifuentes au dessin. Je crois que c'est la première issue qu'il nous fait là, Cifuentes. La semaine dernière, c'était McCarthy. J'espère sincèrement qu'on ne reverra plus McCarthy sur le titre. Ouais. Que Cifuentes fait pas juste un fill-in. Parce que Cifuentes, c'est pas mal. C'est pas fantastique, mais c'est propre, ça fait le job. Très bien. Donc, alors, l'histoire de cet Aquaman 46... Aquaman a découvert un peuple un peu abandonné, très martyrisé dans la forêt amazonienne et il a décidé d'essayer de les protéger. Il reçoit l'aide dans ce numéro de Wonder Woman qui se demande un petit peu ce que Aquaman fait depuis quelque temps parce que ses dernières actions laissaient un peu penser que Aquaman était parti du mauvais côté, mais en fait après une petite explication, oh ben tout va bien alors. On est amis comme avant, ça tombe bien. Et là, un grand méchant arrive. Oh, si on lui faisait la bagarre. Et donc après, on a 15 pages de bagarre, sans grand intérêt. Mais bon, ça se lit. C'est un numéro qui est pas honteux comme les précédents. Et t'es abonné ou c'est toi qui te fais du mal en fait? Voilà, c'est ça. Je me fais du mal. Mais Aquaman, j'ai toujours aimé ce personnage, donc je lis par habitude. D'accord. Mais là, je sais qu'on arrive à la fin du run de Cullen Bunn, donc je continue à voir jusqu'où le... Ah, c'est comme White Flash, en fait, comme le personnage, donc quoi qu'il arrive, il sera toujours là, quoi. Ah, quoi qu'il arrive, je sais pas, si Cullen Bunn, si j'avais su que Cullen Bunn restait, j'aurais lâché, là, je n'en peux plus, quoi. Mais bon, je continue parce qu'on arrive à la fin. Le problème, c'est que Cullen Bunn, il a rien à dire sur ce personnage-là. Je sais pas pourquoi il a accepté ce job. Ça se voit qu'il fait ça en pilote automatique. Donc... C'est une série vraiment générique maintenant, sans aucune originalité. Donc voilà, faut pas la lire si on la lisait pas avant, quoi. D'accord. Au moins, ce numéro a l'avantage d'être bien dessiné. Bien dessiné. Il y a Wonder Woman qui apparaît. Moi, ça fait longtemps que je l'ai plus, Wonder Woman, depuis la fin d'Azzarello, et du coup là, j'ai vu son nouveau costume. Il pique un peu les yeux, son costume à Wonder Woman en ce moment. Ouais, il est particulier. Ouais. Ouais. Donc ça m'a fait bizarre quand je l'ai vu. Je me suis même demandé au début si c'était elle. Puis après, c'est écrit en énorme sur la page, donc on peut pas la louper. Celui qui claque, c'est celui qui l'a fait Fabok, là, par rapport au film. Ah ouais, ouais. Celui-là, il était dans Justice League, là, dans l'arc Amazovirus, ça, il était classe. Il y a que moi qui lis Aquaman, c'est dommage. Moi, Aquaman, j'ai arrêté après. J'ai fait Jeff Jones, j'en ai fait quelques numéros derrière et j'ai arrêté. Bah, il y a les Seven Seas qui vont arriver, là, on attend tous ça maintenant. Ouais, bah, moi, j'essaierai le nouvel auteur, c'est Dan Abnett, je crois, qui reprend. Le ouais, numéro 49. Donc, il m'en reste deux à lire de Cullen Bunn et j'arrive au bout, là. Ah non, moi j'attends Aquaman par Jeff King, plutôt. Jeff King, il fait quoi? Il est mort, lui? Ah non, il fait Telos tout seul. Il fait Telos, il vend à ses enfants. Mais des fois j'ai peur, hein, je vois King sur la couverture, je me dis, c'est Jeff King. Ah non, ouf, c'est bon, c'est Tom. C'est une chance sur deux, là. Ouais. malchance sur deux, hein, si tu tombes sur deux. Ok, on va passer au Green Arrow 46, Spectra. Ouais, bah Green Arrow qui se tape un petit délire au Mexique, là, parce que ça fait toujours d'aller plaisir. J'arrive plus à parler. Donc non, en fait, c'est Green Arrow qui s'est fait capturer son chien par le gang des Skeletons, donc un cartel mexicain, donc il décide d'aller le retrouver, accompagné par Tarantula. Et il va rencontrer quelques petits problèmes sur place. Et il n'y a notamment... pas genre des arcs ambitieux en plusieurs parties sur cette série? Ouais, alors des arcs, ouais, ambitieux. c'est particulier, donc voilà, il y a rien de notable dans ce numéro pour l'instant. Alors c'est bizarre parce que bizarrement ça se lit bien, tu vois, je suis toujours content de lire Green Arrow, mais c'est pas exceptionnel pour autant, quoi. C'est quoi les auteurs, c'est toujours les mêmes là? Oui, pardon, c'est Percy Zirker et Fiorentino Dessin. Et le scénariste c'est qui, redis-moi? C'est Benjamin Percy. Ah voilà, c'est ça. Ouais, c'est toujours la même équipe, quoi. Mmh. Ok, et bon. Patrick Zirker au dessin. Ouais, lui, c'est un monstre. Ouais, donc un bon divertissement, on va dire. Ouais, ça passe bien. Et puis bon, voilà, c'est assez classique. Mais là, c'est le dessin un peu horrifique, un peu pesant dans l'ambiance qui joue beaucoup dans le fait que je continue cette série. Ouais, c'est ce que j'avais lu la première issue, j'avais aimé le dessin, le côté comme tu dis pesant, mais le scénario m'avait pas plu. Ouais, bah par contre faudra vraiment qu'il lui change son costume, ce pauvre Oliver Queen, quoi. Je trouve que ça commence à faire un peu mal. À la limite, je préfère un truc un peu comme dans la première saison de la série, ou un truc un peu plus sombre. Parce que là, du coup, ça dénote vachement au niveau des couleurs. Si c'est un vert flashy, ouais. C'est un peu dégueu. On devrait mettre le vert et le costume de la dernière saison d'Arrow, là. Il est classe, son dernier costume. Oui, à la limite, ouais. Mmh. Ouais. Enfin, voilà, un numéro qui nous apprend qu'une fois de plus, on peut pas se fier aux femmes. Ok, on va passer au JLA 5. J'avais été impatient de le lire. J'ai vu la première page, j'ai tourné les 20 pages, et je l'ai même pas lu, en fait. C'est ce que j'aurais dû faire. C'est l'escroquerie du mois. Il y a rien de plus à dire que c'est une escroquerie. C'est pas un épisode de la JLA. C'est un numéro fill-in sur Martian Manhunter. Ouais. Et écrit alors... par l'équipe de Martian Manhunter. Et qui se termine par un cliff qui dit, si vous voulez lire la suite, lisez la Martian Manhunter. C'est ça qui est fou, c'est que cette série, elle est censée au niveau de la continuité, c'est censé être entre l'année 0 et l'année 5. Et là, il te la rattache à Martian Manhunter qui se passe actuellement, en fait. Mais c'est une escroquerie incroyable. Il y a aucun lien, en fait, avec JLA. Ah, mais aucun, si? Ah, si, ils ont fait la page finale où ils ont mis les membres de la, ah, ben, je sais même pas si c'est les membres de la JLA pour le coup, ou si c'est les membres de la Justice League de Jim Lee, hein, et Geoff Johns, d'ailleurs. C'est pas, bref. Et, enfin, non, c'est, ouais, on suit un épisode du Martian Manhunter qui se déguise en humain, comme on l'a vu déjà mille fois, et qui va essayer de résoudre un crime et qui se retrouve face à un de ses ennemis. C'est même pas un de ses ennemis, c'est un nouvel ennemi, mais qui tue en trois cases. Et puis voilà, ça se termine comme ça. Et là, suivez la suite de mes aventures dans Martian Manhunter. Ouais, c'est abusé. C'est un scandale. Brian Hitch, de toute façon, on le savait quand il avait commencé la série qu'il n'arriverait pas à tenir les délais, mais là, dès le numéro 5, il est même pas au scénario. Ouais, mais ils auraient dû mettre un autre scénariste et suivre l'histoire. Ils auraient pas dû sortir des numéros. C'est une honte. Ouais, ou suivre l'histoire avec, ou faire un fill-in avec la JLA, mais pas faire un fill-in avec un autre personnage qui te dit d'aller voir sur sa série, quoi, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. Qui normalement n'est pas dans le même univers, en plus. C'est vraiment bizarre. Hein. Ouais. Là, j'ai pas pigé. Et je lisais mon numéro, donc mais je me disais, mais c'est pas possible, je me suis gouré, donc je retournais la couverture. Ben non, c'est bien le JLA. Je suis comme toi, moi j'étais impatient de lire mon JLA. En plus, j'avais eu du mal avec les trois premières issues et j'avais adoré la 4. Donc j'étais vraiment impatient de lire la cinquième issue de la série. Et puis au final, déception. Donc passez votre chemin si vous ne l'avez pas acheté, à ne pas prendre. Mm-hmm. Je pense qu'il sera même pas dans le recueil. Hein. Ça n'a rien à voir avec la JLA. Donc, ouais, c'est une grosse blague. Ouais. Ouais. Ok. Alors on va finir l'émission avec du Green Lantern Spectra, le 46. Ouais, avec Papy Venditti au scénario. Qui l'image de ce run, hein, enfin de cet arc en tout cas, il continue à y aller doucement. Donc Al Jordan est toujours coincé avec Black End, il sait pas trop quoi en faire. Donc du coup, il se décide de se tourner vers une personne ressource qui est Relic. Donc les deux vont trouver une solution et puis voilà, c'est fini. Allez, le seul truc de son run de bien, je crois, ça a été la création de Relic, en fait, et du concept qui va avec. Après tout le reste, moi j'ai plus relu depuis un moment, mais ah bon, ouais, mais apparemment, ça fait un moment, ouais. Relic, c'était au tout début, quand il est arrivé, ça. Relic, Pas que c'était cool, c'est un hein. bon méchant, c'est un bon méchant, Relic. Ah ouais, mais même le truc avec qui te ramène à l'univers précédent, avec les Light Smith, les ancêtres des Green Lantern, l'idée et tout, avec le mur de la source de machin Ah là. ouais. Non, c'était très bien. Le problème, c'est que c'était un crossover sur les 4 séries, donc du coup, ça faisait très très long à lire. Je l'ai lu moi, j'ai juste été déçu par la fin en fait. La fin du crossover, il m'a déçu, sinon Ah, tout le moi crossover, je l'ai trouvé cool. j'ai tout lu aussi, mais c'était trop long. Mais bon, c'était quand même une bonne histoire, ouais. Et là en fait, après, c'est pas trop où il va quoi. Bah donc enfin pour moi qui commençais Green Lantern du coup c'était plutôt pas mal parce que ça me permettait de voilà d'avoir une bonne introduction d'Al Jordan. Il y a le supporting cast qui est plutôt intéressant avec Virgo, Trapper et puis le vaisseau d'Arlene. Voilà, après je pense que si t'es un fanat de Green Lantern, lire ça tu dois être énormément déçu quoi, parce que j'avais quand même lu Blackest Night et la caractérisation de Black End, elle est vraiment à chier quoi. Non. Ah oui. Là-dedans, il passe vraiment pour un débile, alors que je C'est l'avais dommage, trouvé vraiment il est excitant. super dans Blackest Night. Il fait juste nécrophile à moitié psychotique et voilà quoi. Ouais, je vais pas te je sais pas si t'as lu l'issue 47, moi je l'ai lu, ouais, c'est pas mieux. Hein. Ah merde. Non. Ouais, mais non, je l'ai pas encore lu ça. Et il est sorti le 47? Ouais, le 47 est sorti mercredi dernier. Ah bah oui, parce que Ouais. ouais, C'est du coup on a en enregistré en début de semaine, ouais. décembre. Et Ouais. on chroniquera le mois prochain, ouais, il est pas bon du tout. Mais c'est un numéro fill-in, on est entre deux runs. Ouais, d'accord. Et ben vas-y, finis avec la fin de Lost Army, Spectra. Donc Lost Army, voilà, un petit bilan de cette série écrite par Bunn et dessinée par Seize, je crois. Ouais. Que vous dire de Green Lantern, Lost Army? Donc Stewart et le corps des Green Lanternes sont coincés dans un univers différent, une époque différente surtout, où ils rencontrent un Crona jeune et un relique taille-S. Ils se font capturer par des pirates qui veulent leur voler leur lumière et puis voilà. Et à la fin, ils trouvent une échappatoire et finalement, ils se retrouvent coincés dans cet univers et coincés à cause d'un personnage qu'ils connaissent bien. Donc à la fin de la mini, ils sont toujours bloqués dans leur univers. Ils sont toujours bloqués dans leur univers et du coup, il faudra lire la suite dans Edge of Oblivion qui sera écrite par Tom Taylor. Donc, j'écris quand même le numéro 1, Ah, mais c'est clair. ah, c'était une grosse déception quand même. Hein. Les Ce Green gentils Lantern. vont devenir méchants. Ah, Tom Taylor, quoi. Tom Taylor, c'est vrai qu'il a fait que des séries où c'était le chaos de partout, quoi. Ah, faudra tester quand même Tom Taylor, Non, Tom c'est Taylor, bien. il écrit bien, il écrit bien. Ouais, puis il y a toujours de la bagarre avec Tom Taylor, c'est plutôt pas mal en général. Il y a toujours de la bonne baston et tout. Là, c'était assez faible. En fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un Green Lantern Corps perdu sur une planète, sans capacité, sans les anneaux, un truc un peu Survivor. Et en fait, bon, j'ai été très déçu, quoi, ça. Ah ouais, c'était le pitch de la série. Je l'ai pas lu encore, j'attends le trade. Et du coup, tu me vends pas du rêve. Ouais, c'est vraiment pas exceptionnel. Après, c'est plutôt bien écrit, hein, mais c'est absolument pas passionnant, quoi. Du coup, Ok. ouais, c'est pas un indispensable du tout. Ok. Vous avez autre chose à rajouter sur les comics? Sur les trucs d'ici? Non. Ok, ben on va passer à la dernière section. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de beau en dehors ce mois-ci? Vas-y, Cédric. Est-ce que je peux faire ce qu'a fait Vinch, vu qu'il est parti, je prends un accent belge, parce qu'on sait jamais ce qu'il a fait, lui, du coup. Ouais, mais au début, on savait ce qu'il faisait, parce qu'il faisait rester jusqu'au bout. Et Non, là, il va plus maintenant, rester, il se fait spoiler, donc il va et plus de toute façon, rester. ils ont coupé le courant en Belgique et tout avec les terroristes, donc il a dû rester chez lui, hein. C'est depuis qu'il a son abonnement Brazzers, il finit plus les podcasts. Et non, non, mais en plus, il fait plein de vidéos sur Batman, sur Star Wars et tout, donc moi, je pense qu'il est resté à la maison. Voilà, tout était fermé et tout, il a dû rester à la maison. Donc, ouais, je t'ai dit ce qu'il a fait venir ce Ouais, mois-ci. t'as pas pris l'accent belge. J'arrive pas. J'arrive pas une fois. Voilà, c'est pas pour moi l'accent belge. Alors, vas-y, Cédric. Alors, moi, je vais te faire plaisir, Wally. Parce que j'ai vu sur Twitter que tu avais beaucoup apprécié le premier, donc moi je me suis fait les 5 Superman à la suite. Donc Deux. le Superman de Richard Donner, le 1 Ah et le oui. 2, ensuite le Voilà. 3 et le 4 de Richard Lester, et enfin le 5 de Superman Returns de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Brian Singer. Bryan Singer, voilà. Et alors, bon, je sais qu'on n'est pas d'accord, hein, Wally, avec le premier, t'as pas aimé du tout. Pour moi, les deux premiers Superman sont incroyables. Pour l'époque, je trouve que c'est fabuleux, des films comme ça. Ils Ah. se voient toujours super bien. Mais moi c'est ça en fait, c'est le pour l'époque qui me gêne. Moi je l'ai pas vu en entier mais ça m'a piqué les yeux en fait, j'ai trouvé ça ultra kitsch C'est sûr, et j'ai pas. quand ils volent, tu vois les fils. Hein. Et oui voilà, j'arrive pas en fait à me remettre dans le contexte de mes arrière-grands-parents en fait. J'arrive pas. Et je trouve que les pages, justement, ce que tu reprochais au Superman en comique, mais il y a beaucoup de passages où Superman est en Clark Kent, et les passages avec Lois Lane fonctionnent vraiment très bien D'accord. dans les deux films. C'est vrai que les scènes en Superman, les effets spéciaux, c'est pas les effets spéciaux de maintenant, mais si tu te remets avec les yeux de l'époque, je trouve que ça passe super bien. C'est deux bonnes histoires. Alors par contre, Superman 3, Superman 4, waouh! Ah, ça fait mal. Ah là, mais en fait, les deux premiers avaient eu beaucoup de succès, donc ils ont décidé de continuer. Mais je pense qu'ils ont changé de producteur et ils se sont dit, on va faire des films pour enfants. Donc là, c'est devenu des films à gags. D'accord. Et là, c'est catastrophique sur le 3 et le 4. Il y a rien à sauver. Et enfin, le Superman Returns, alors que j'avais vu au cinéma à l'époque en 2006 et j'avais détesté. Et donc je suis allé un peu reculons sur le Blu-ray, mais en fait le Superman Returns est la suite directe du Superman 2 D'accord. de j'allais dire de Richard Donner, mais c'est vrai que Richard Donner n'est pas crédité en tant que réalisateur sur le 2. Il s'est fait virer pendant le tournage, mais c'est la suite directe du 2. Et donc si on n'a pas très bien en tête le 1 et le 2, c'est difficile de tout comprendre dans Superman Returns. D'accord. Mais j'ai beaucoup apprécié. Il est très lent, au même rythme que Superman 1 et Superman 2. Donc c'est vrai que ça fait un peu un choc quand on est habitué au style de maintenant, mais Ouais, il bien est sûr. très fidèle. Donc j'ai beaucoup apprécié. Donc le mois prochain, je vous chroniquerai les vieux Batman. Ouais. Non, non, je plaisante. Non, mais vas-y, hein, tu. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Ouais, bah, Spectra, dis-nous. Moi, je vais faire un petit point Marvel quand même, du coup, Attends, avec. t'as fini Last of Us ou pas? Non, j'ai repris The Witcher 3 là Oh à là fond. là là là. Ah ouais, non. À Last of Us, moi je l'ai même pas acheté encore. Oh là là, les gars. Passe à Je côté de t'envoie votre mon vie là. adresse, Wally, tu me l'envoies. Deux. Ah bah tu m'envoies le jeu, je vais le faire. Mais t'es sur quelle console, toi? PS3? Ah ouais. Bah, tu dois avoir un magasin en Norvège, c'est sûr, en occasion, non? Vas-y, fais ton point Marvel là, qu'on en finisse. Vas-y. Donc, attends, au niveau de différence, faut quand même en parler, parce que c'est pas, pour le coup, du coup, c'est vraiment de la merde, hein. Ah oui, j'ai eu peur que tu dises que ce soit bien. Ouais. Ah non, j'ai souvent mauvais goût, mais quand même, même moi, j'ai mes propres limites. Donc, je suis toujours assez hypé par Secret Wars, ça, là-dessus, de toute façon, j'adore cet event. Par contre, toutes les séries que j'ai lues, à part Thor, que j'ai trouvé vraiment sublime et si, que plutôt sympa, et Extraordinary X-Men qui fait plutôt le job sans être renversant, le reste, mais c'est horrible quoi, putain, mais Iron Man, mais Ah bah c'est Bendis, hein, c'est une nouvelle Bendiserie. ah ouais, mais même pour du Bendis c'est mauvais quand même hein. Quand t'as deux une page entière consacrée à un high five entre Iron Man et Strange, c'est assez particulier. Donc ouais, Marvel bien bien déçu, c'est que de la tranche de vie, c'est pas, y a rien de super héroïque, ouais, je trouve que pour l'instant c'est très très très mauvais. T'as tenté Daredevil? Oh non, Charles Soule, c'est bon. Ah mais il est très bon, hein. Ah, j'ai beaucoup aimé ce numéro. Ah ouais. Ouais. Mais bon, après, moi aussi j'ai des goûts particuliers parfois. Ouais, souvent même. Hein. Ouais, non, j'ai déjà trop de séries comme ça, heureusement qu'il y a de l'indé, mais ouais, voilà, assez déçu. Et puis sinon, côté série, j'ai regardé le premier épisode de Luther, du coup, Wally, vu que tu m'as dit que c'était Ah, c'est cool, hein. plutôt sympa, et ouais, j'ai bien aimé, hein, il est pas chier, la BBC fait quand même des En bonnes plus, je crois qu'il y séries. a deux saisons de deux épisodes, je crois, donc c'est pas un Alors, je truc. crois qu'il y a 3 saisons en tout, Trois 3 épisodes. saisons, Ouais, ouais. quelque Mais je chose crois que comme la ça. troisième saison a fait un épisode, je crois, donc je sais pas si on peut faire cinq D'accord. saisons. Et là, ça va revenir, là. Il y a un épisode spécial qui va arriver, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est une série cool, hein. Franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien Idris Elba. Ouais, il est. Ah oui, il est toujours bon. Joue plutôt bien. Moi, bon, et puis voilà, sinon, The Witcher 3 qui a été repris en mode difficile, et voilà. Ok, ben moi, Et toi, Wally, ouais. en parlant d'Idriss Elba, j'en avais parlé ou pas de Beast of No Nation? Ouais, t'en avais Ouais, parlé, t'en as ouais. parlé le mois Ah, dernier, ouais. je vais pas en reparler alors. Moi, j'ai rattrapé mon retard, j'ai lu Future Zen tome 2, j'ai trouvé génial. Donc, à l'époque, en single, j'avais pas accroché, ça m'avait saoulé, mais là, en TP, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, j'attends le 3 avec impatience. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté Tomb Raider sur Play 3, le dernier à 9 euros. Vous l'avez fait? Moi, j'ai pas fini. Ouais, je l'ai fait, ouais, il est bien. Moi, je l'ai torché en 2 jours, hein, mais je l'ai trouvé génial. Franchement, génial. Du début à la fin. Vraiment excellent. Et j'ai acheté Hitman aussi, pareil, je l'ai fini, là. Hitman Absolution. Je sais pas si vous l'avez fait. Non. Ouais, vraiment cool, quoi. En plus, t'as plusieurs modes de difficulté. Donc, si tu te mets en puriste, ça devient hyper compliqué. Mais en te mettant en mode normal, tu peux facilement tirer sur tout le monde et pas faire le mec discret, en fait. C'est ce qui m'a plu, quoi. Et voilà, et sinon bah, j'ai commencé Jessica Jones et j'ai arrêté au 3, donc vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi en fait j'ai trouvé qu'il se passait absolument rien. Et en fait d'entrée tu sais que toute la série pendant 12 épisodes elle va être en confrontation avec l'autre. Donc je sais pas, j'ai trouvé le rythme très lent et j'ai trouvé qu'il se passait absolument rien du tout. Je me suis fait chier quoi. Donc on critique CW mais au moins ça divertit. T'as pas trouvé le méchant intéressant, Bah, tu n'as Ouais, pas dû mais le voir vu que... beaucoup du coup. Hein. Pardon? T'as pas dû le voir beaucoup du coup qu'il Bah non, je grille. l'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu sur l'épisode 3, je Ouais. crois, on le voit un peu. Mais Daredevil, t'avais plein de petits boss, plein de petits méchants dans tous les sens, quoi. Là, en fait, y a pas de boss, ni rien, quoi. Il y aura qu'un boss, c'est lui, quoi. Entre-temps, elle fait un sprint avec personne, quoi. Et Bah, tu as... le boss, c'est ses démons à elle, quoi. C'est vrai que c'est une série très Ouais. introspective. Voilà, c'est pas vraiment une série super-héroïque, mais après, j'ai trouvé tous les problèmes Netflix dans la série, quoi. C'est ça, c'est une série vraiment Netflix, hein, pour le coup. Le rythme, voilà. J'avais l'impression de regarder Fargo des fois, tu sais. Non, Fargo, je sais que tu aimes, hein. Ouais. Mais Fargo, limite, quand tu regardes, ça se rembobine tout seul, tellement c'est lent, quoi. Et là, ça m'a fait un peu le même effet, en fait. Tu vois le délire? C'est... Donc voilà, j'ai pas... Voilà, j'ai arrêté au 3. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci, Du coup, moi, je suis allé au bout de Jessica Jones. ouais. Écoute, j'ai trouvé la série plutôt sympa, moins percutante, moins prenante que Daredevil. Mais par contre, c'est vrai que t'as quand même un gros regain d'intérêt quand tu vois un peu plus Kilgrave, qui est vraiment extrêmement bien interprété par David Tennant, quoi. Il est génial. Après, il y a ce que je reproche principalement à la série, c'est plus le côté on va choper Kilgrave, bah, ça y est, on l'a chopé, bah non, il se barre. Enfin, c'est un peu lourd parfois, mais globalement, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne série, quoi. D'accord. Et toi, Cédric? Ah, moi, je suis comme toi, mais pas pour les mêmes raisons. Mais j'en ai vu que deux, pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, tout D'accord. simplement. Donc, mais je boude pas mon plaisir. J'ai vraiment aimé les deux épisodes que j'ai vus. D'accord. Mais moi, je suis pas rebuté par la lenteur d'un épisode. Je suis pas comme toi. Je regarde The Leftovers, moi. Ah bah, regarde The Fall alors. Oh là là, The The Fall, Fall. c'est prévu, hein, je l'ai sur ma Oh my liste. god, The Fall. C'est The Fall. génial, The Fall. Non, mais il y a des séries qui sont lentes et qui sont bien, genre Il trouve pas. non mais si, parce que je sais pas, Walking Dead des fois c'est lent. Breaking Bad, il y a eu des moments c'était très lent aussi. Breaking Bad, c'est toujours très lent. The Wire, c'est lent, Ah oui, c'est ça, ouais, mais pourtant, mais ouais. je sais pas, c'est tellement génial que tu savoures en fait. Ah ouais. Et là en fait c'est lent, mais je sais pas. Et The Leftovers, hein, tu devrais retenter, hein. Pour moi, c'est presque au même niveau que The Ouais, non, mais pars pas trop loin. Il y a rien qu'au niveau de Wire. Hein. C'est pour ça que j'ai dit presque. The Wire. Non, The Leftover, je peux pas, je suis désolé. J'ai essayé, mais non. Et là, ils ont expliqué alors pourquoi ils fument toujours des clopes, les meufs, ou toujours pas? Ouais, on sait Ah, ça y pourquoi. est, t'expliques enfin? Pourquoi ils fument des clopes, on sait pas trop, Et qu'elle mais parle pas. Pourquoi elle parle pas? ouais, ça on sait, ouais. Ah, ça, ils te disent quand même. Ouais. Et donc, ça a mis combien de temps avant de le savoir? Mais c'est pas grave ça. Quand tu vois, quand t'as une fille qui est en train de se déshabiller devant toi, ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la finalité. Non mais disons que faire difficile pour faire difficile, ça me saoule en fait, tu vois. Ah ouais. Alors je comprends. Hein. Moi, j'ai pas du tout la même démarche. Moi, justement, j'aime bien ce côté-là qui fait réfléchir. Où tu as pas toutes les clés dès le début. Hein. Ouais, mais je crois que même les mecs, les scénaristes, ils ont pas la clé, quoi. Ça, par contre, ça m'agace quand je regarde une série et que justement les questions que je me pose, elles sont pas résolues à la fin de la série. Là, je suis agacé. Mais Ouais, je bah. m'agace pas en cours de série. D'accord, ok. Ouais. Et on n'aura jamais les réponses, hein, de toute manière, pour The Leftovers, ça avait Ouais, été... c'est comme Lindelof. Ouais. C'est une Lindelof, donc ce sera comme Lost. Voilà, c'est bah, c'est comme j'ai dit, ben on fait une série, tu sais. On l'écrit, mais on sait pas comment ça se finit, c'est pas grave, quoi. Mais ça a été annoncé qu'il donnerait jamais la réponse des disparitions? Oui, il me semble qu'au Oh, cours bah, de la c'est première super, hein. saison, il y avait Ouais. une déclaration qui avait été faite dans ce sens-là. D'accord. Bah, viens, on fait une série, nous aussi, hein. On peut devenir scénariste, quoi. On fait une série, mais on fait pas la fin. Ouais, ça parlera d'un Belge, un peu. Ouais. Ça quoi? Ça, on ferait une série autour de Vinch. Vinch, on pourrait faire une série sur Vinch. Sur Vinch qui débarque aux États-Unis. Ah mais il va mourir de faim. Mais il est déjà Il allé. va vouloir acheter, il va vouloir acheter de la bouffe. Ils vont jamais comprendre ce qu'il veut. Mais il y est déjà allé, tu sais. Il était à Miami l'autre fois. C'est vrai, ouais. Eh oui, t'inquiète. Bon, il est pas allé Il a pu descendre regarder Miami la Beach. Hein. CW en direct. La vache. Ok, bon ben c'est terminé, je crois, pour ce mois-ci. Vous avez autre chose à rajouter, les gars? Alors, je crois qu'on a assez dit de bêtises. Ah, je crois aussi. Ouais. Spectra, Prenez plus soin rien de à vous dire. et des autres. Hein? Non, je sais, petite phrase sympa, prenez soin de vous et des autres. Ouais, Bon. voilà. Prenez, faites le 36-37. Ouais. Bon Maître ben, Games compte sur vous. pas que. Enfin, ça faudrait que je Google. C'est quelqu'un de connu? Non, ça va, tu connais pas? Non, je connais pas, non. Ouais, c'est une espèce de baltringue qui se prend pour Johnny Hallyday. Non? Ah oui, non, je connais vraiment pas, non. Non, pas. Non, c'est un Ouais, qui mec se en prend fait. pour Johnny Hallyday, oui, qui. C'est un mec en fait, il a une super voix à la base, il aurait pu se transformer en Ned Dog français, tu vois. Et finalement, il fait du Johnny Hallyday, quoi. Il fait rien de spécial, quoi. Il Gims. chante de la pop, quoi. Et puis, il est fort parce que ses phrases, ça veut rien dire, en fait. Qui C'est un rapporte, tiens. pseudo rappeur qui fait plein de fautes de syntaxe et tout. Ouais, c'est Un horrible. rappeur qui ressemble à Johnny Hallyday, la vache. Non, il ressemble pas à Johnny Hallyday, il fait de la musique de Johnny Hallyday, c'est pas pareil. Ah, ok. Ouais, il chante des chansons d'amour, machin, enfin, faudra que tu checkes, tu me diras sur Twitter. Bon, ben, merci à tous de nous avoir écoutés, et on vous dit au mois prochain. Salut à tous! Salut! Ciao! Granada, I'm falling under your spell.